C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Xavier McLeish se fera pardonner ses insultes sportives de la semaine dernière avec une nouvelle conique. Et on ajoute encore un nouveau à notre équipe, Alexander Bratt, à l'actualité internationale. On la voit ronque un matin et assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 2 octobre 2017 à 207 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania Baudin. Bon matin. Comment vas-tu? Ça va bien malgré tout. Là. Ouais. Faut pas... ouais. T'as beaucoup parlé en fin de semaine. Bien en fait, c'est ma 9e journée d'animation en ligne. Ouais, raconte-nous ce que t'as fait depuis les derniers jours. J'ai animé au Salon des vins vendredi soir. J'ai animé un défi du côté des Diablos samedi toute la journée à l'extérieur, donc avec beaucoup de musique. C'est ça, exactement. Et puis hier, eh bien, j'animais les matchs de soccer des Patriotes de l'UQTR. T'en fais vraiment beaucoup de choses. Hein? Je dirais qu'hier soir, je suis arrivée, puis je trouvais que j'en avais fait beaucoup. Ouais. Au moins, la semaine passée, c'est moi qui n'avais pas de voix. Et là, c'est toi, donc je vais compenser pour toi. Merci beaucoup, Mathieu. Je suis revenu, moi, je pense. J'étais mal la semaine passée, mais là, ça va beaucoup mieux. Sébastien Elgartin qui est avec nous. Toi, le rhume... Moi, c'est correct. Ça va? Ouais. Ouais. C'est pressant dedans. Moi, c'est ça. J'anime pas grand-chose. Il fait fort, de toute façon. Sébastien, il y a des gènes de... Le gars qui se promène tout en auto. Hein. C'est ça, exact. Surtout. Donc, l'émission d'aujourd'hui, les amis, on a plein de bonnes choses. Tantôt, tu l'as dit, Alexander Brad va être avec nous pour une nouvelle chronique un petit peu genre nouvelle du monde, mais en bref. Donc, on va faire un survol de la planète. Exactement. Il va falloir expliquer pourquoi. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre bien des choses tantôt. On va pas mal le laisser parler dans sa chronique. Donc ça, c'est à 8h tout à l'heure. À 9h, Xavier McLeish et sa conique, donc pleine niaiserie. La semaine passée, ce que je disais, c'est qu'il s'est mis à dos les sportifs en disant qu'il y a plusieurs sports qui, dans le fond, sont quand même assez populaires, étaient des sports incompréhensibles. Oui. Il va se faire pardonner, j'espère, cette semaine. Eh bien, apparemment qu'il aurait reçu plusieurs commentaires. Oui. Il a parlé contre le squash. Exactement. Contre quoi d'autre aussi? Le water polo. Le cross country. Eh boy, il s'est mis du monde à dos. Est-ce que c'est lui qui parlait de cross country? C'est possible. Ou Marc-Olivier? C'est à 9h, bref. Xavier McLeish. Autour de ça, ta chronique dans le milieu de l'émission, Tania Galantotinia. Tu vas nous faire quand même une chronique, j'espère, un petit peu plus courte que d'habitude. Malgré tout, je vais vous parler. Je vais pas vous parler éternellement, ne vous inquiétez pas. Vous allez pas entendre cette voix de Caroline Néron. Il y en a qui aiment ça, je sais. Pendant très, très longtemps. Mais en fait, je vais vous parler d'un problème que plusieurs Québécois, plusieurs femmes... Mm-hmm. Et plusieurs jeunes partagent. Non. Je vous laisse en suspense là-dessus. J'aime ça quand même mettre des suspense à mes chroniques. Toujours flou. Exactement. Donc, je vais continuer à rester flou parce que si je vous dis le sujet directement, bien, vous n'aurez plus de suspense. Tu sais, vous ne resterez pas à l'écoute. Exactement. Tu n'essayes pas de nous vendre des diamants, c'est correct. Mais non. Alors, on a plein d'autres chroniques aussi à Maison autour de ça, donc jusqu'à 10h. Maison commence avec Sébastien Elgartin, lui qui vient d'arriver au début de l'émission comme ça avec nous. Après m'avoir sauvé la vie, je dois le dire. Parce que... Aucune exagération. Il faut le dire. OK. D'habitude, je prends l'autobus à 6h31-32 en avant de chez moi. Elle passe vers les 40, mais quand même. Et puis, j'arrive ici à 7h-2. Là, en voyant la bus s'en venir, je vous jure, elle était au coin de la rue. Je me suis dit, ah zut, on est rendu le 2 octobre. J'ai pas renouvelé ma carte. Donc là, je texte Tania. Peux-tu venir me chercher? Ah non, je peux pas. On va arriver super tard. Blablabla. Là, je texte Sébastien Elgartin. Puis, aussitôt que j'ai écrit, boum, je me suis rendu compte que Caroline, la carte que j'ai est pour la session. Exactement. Fait que là, j'ai eu la faute. Félicitations, Mathieu. Bref. Fait que merci, Sébastien, de m'avoir sauvé. Parce qu'une fois qu'il était passé, la bûche, je pouvais plus rien faire de toute façon. Mm-hmm. J'étais mal pris. Mm-hmm. Ouais. Oh, ça sonne comme le wawaron qui est en arrière dans notre fond. Ouais, effectivement. Rabbit. OK, parfait. Je suis encore un peu sur le pilote automatique, je m'excuse, ça va. Ça sert bien. C'est correct. De toute façon, tu sais, il faut bien commencer à quelque part, puis à un moment donné, si tu trouves ça trop de bonheur, on te changera d'heure. Hein? Hein? Ben oui. C'est ça qui arrive. C'est ça. De la place, quatre jours. De la place en masse. 4 jours, puis 3 heures par jour. Oh, que oui! Maintenant, c'est le bulletin Gartin. Bulletin Gartin, première de la saison automnale. Deuxième, en effet. Deuxième. Oui. Il y a 2 semaines. Oui. Ah, oh, c'est parce que t'étais absent la semaine passée. C'est ça. Ça m'a tout mêlé. Ça va très bien le matin. Mathieu a des problèmes de mémoire ces temps-ci. Je sais. Justine nous a fait une chronique au complet là-dessus. Oui. Hey, c'est dur, vieillir. C'est vraiment difficile, dit le gars qui tantôt. Qu'est-ce que t'as fait comme référence tantôt? Que la toune n'était pas si vieille que ça. Et qu'elle datait de 2005. Bon. Bon, hein? Fait que c'est ça, les insultes à matin. Donc, deuxième chronique. On a quoi, 2 ans de différence? À peu près 2 ans. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, on va parler en fait de quelque chose qui se passe quand même loin de nous. Mais très près en même temps. Pourquoi? Près en même temps parce que, écoutez, une bonne proportion de nos politiciens sont allés voir ça. D'ailleurs, je vais me poser des questions par rapport à ça plus tard. Ah. Je fais référence au référendum en Catalogne. Mm-hmm. J'avais une blague plate sur le fait que, bon, ceux qui nous écoutent depuis un certain temps puis qui connaissent mes chroniques savent qu'une fois sur deux, j'arrive pas très préparé en disant « Ceci sera une chronique avec podcast. » Ouais. C'est-à-dire une chronique que je n'ai pas mon iPad avec mon texte dessus. Ouais. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une chronique très, très casquée. Et ce n'est pas une mauvaise blague sur les forces de l'ordre espagnol. On n'était pas loin, par contre. Pas si loin. Et au ça moins... passait proche. C'était de toute beauté. Et au moins, tu n'as pas fait de blague de Catalogue Series. Effectivement. Ça, je l'ai gardé pour toi, merci. Ça, en fait. J'y ai pensé, mais je me suis dit, ça, Mathieu va vouloir la faire. C'est plus son range. Même moi, je ne sais pas ça. Donc, c'est ça. Pour rappeler rapidement les faits, en fin de semaine, le peuple catalan, qui est une province, une région du nord de l'Espagne, nord-milieu de l'Espagne, genre, dans le fond, c'est ça. Cette semaine, en fin de semaine, en fait, votaient sur leur dans un référendum qui est d'indépendance dans le fond. Leur gouvernement régional avait proposé un référendum, c'est ça, pour savoir est-ce que la population catalane était en faveur de faire l'indépendance par rapport au gouvernement central de l'Espagne. Rappelons que, bon, c'est une région qui a une langue distincte, c'est-à-dire que la plupart des gens, leur langue maternelle n'est pas l'espagnol, mais le catalan. C'est une région qu'on pourrait dire qui est sans nécessairement être le seul moteur économique de l'Espagne, c'en est un très gros. D'après Radio-Canada, c'est 19% du PIB espagnol. C'est dans la répartition des régions internes de l'Espagne, c'est celle qui, avant péréquation, entre guillemets, là, ils n'appellent pas ça la péréquation, mais il y a un genre d'équivalent, mm-hmm. c'est-à-dire le mécanisme de redistribution économique entre les régions, c'est la première à payer, mais c'est la troisième à recevoir. Okay. Pour différentes raisons économiques et historiques, le peuple, parce que entre autres, sous la dictature franquiste, c'est-à-dire entre les années années 40 et 60, dans le fond, il y avait une dictature en Espagne. Dans le fond, Franco, qui était le genre de tyran de l'Espagne, était anti-catalan, en fait. Il était complètement contre eux autres. Fait que la langue était interdite dans certaines situations, puis ainsi de suite. Ce qui fait que, bon, les Catalans ont toujours voulu faire sécession un peu. Puis c'est ça, dans les dernières années, ça se manifeste de plus en plus. Il y avait déjà eu un référendum en 2014 qui s'était fait beaucoup plus dans la paix que ce qui se passe présentement. Qui était, dans le fond, le vote a eu lieu. Il a été, dans le fond, le résultat du référendum a été envoyé à la Commission constitutionnelle de l'Espagne qui a dit il est nul et non avenu parce qu'il ne respecte pas la Constitution. Ah. Donc, là, dans le très, très j'énumère des choses. Mm-hmm. Ça, pour dans le fond, c'est pour un peu donner le background des images horribles qu'on a vues sur Facebook en fin de semaine. On a vu de la police anti-émeute rentrer dans des foules de personnes âgées. Il y a eu différentes vidéos, différentes photos de gens assez âgés, en fait, qui se sont fait rentrer dedans par la police, là, en sang, tout le kit. Il y avait les pompiers aidés. Il y avait vraiment juste l'anti-émeute fédérale, en fait, qui rentrait dans le tas. Pourquoi ça s'est passé de même? Ça a l'air drôle parce qu'on se dit l'Espagne, c'est pas un pays. C'est pas l'Iran. C'est comme, tu t'attends pas à ça d'un pays dans l'Union européenne puis tout. Bon, ce qui se passe en fait, c'est que le président d'Espagne, Mariano Rajoy, j'ai aucune idée comment ça devrait se prononcer. Claude Rajoy. Ben, c'est pas pire comment tu l'as. Mariano Rajoy, ouais. Je le guess. Ouais, c'est ça. Là. Dans le fond, lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, tout ce qui s'est passé, ce que la police anti-émeute faisait, c'était faire respecter l'état de droit. Ce qui se passe, c'est que dans la Constitution espagnole, c'est la loi fondamentale de l'Espagne qui a été écrite quand le pays est redevenu une démocratie dans les années 70, c'est écrit très clairement, puis pas pour rien, si une région veut faire sécession, toute l'Espagne doit voter au référendum. Ah, OK. Toute l'Espagne. Mm-hmm. Ce que ça veut dire, c'est que cette région-là, qui représente peut-être un 15, 20%, 30% de la population espagnole, gros maximum, en fait, ça, c'est un chiffre que j'ai pas trouvé. Ben, si eux autres veulent faire sécession, il faut que 100% de l'Espagne vote. Sauf que là, de un, pourquoi est-ce que c'est un peu injuste? Ben, de un, qu'est-ce que l'Espagne en a à foutre? Ah oui, c'est vrai, c'est eux autres qui font vivre. De deux, les gens espagnols en Espagne, c'est-à-dire les gens non-catalans, entre guillemets, la culture un peu en Espagne, tu sais, c'est de dire, tu sais, comme mettons dans le reste du Canada, les Québécois, on est un peu considérés comme les gueulards un peu, ben un peu le même principe. Les Espagnols considèrent les Catalans comme des chochottes. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de se plaindre pour rien, puis nanana, puis tout à l'heure que si on prend le point de vue des Catalans, ben ils payent un peu pour le reste, puis leur langue est pas reconnue dans les institutions officielles, puis ainsi de suite. L'Espagne n'est pas considérée comme un pays bilingue. Il y a une langue officielle en Espagne, c'est l'espagnol. Le catalan est pas reconnu, entre autres choses. Donc c'est ça. Ce que ça fait, c'est que un vote comme celui qui a eu lieu là, qui est unilatéral, c'est-à-dire que ben, c'est le gouvernement régional catalan qui a décidé de partir un référendum, ben, il n'est pas reconnu par le gouvernement fédéral espagnol. Parce que c'est contraire à ce qui est écrit dans la Constitution. Comme je disais, il y a déjà eu un référendum en 2014, il n'y a pas eu de violence de même. Entre autres, en 2014, si on se rappelle, c'était pas le Parti conservateur qui était au pouvoir. Ça change certaines manières de considérer le travail de la police, on va se le dire. L'autre chose aussi, ben, c'est que il y a peut-être une genre de pression à l'international pour que ce référendum-là passe pas. Je vais y venir dans deux secondes. Mm-hmm. En fait, je prends un peu de l'avance sur mes conclusions sur une question que j'allais poser. Bon. On varie la formule, c'est ça. Moi, mais je disais, j'ai mon texte. En fait, mon texte, c'est une série de points. Ouais. Puis je les prends dans l'ordre, mais pas trop. Et il coche pas rien, fait qu'il va... C'est ça. C'est parfait. C'est comme ça qu'on veut chez les choses. C'est ça. Je vois comme ça coule. Ouais. Donc, une chose à rappeler, en 2014, en plus d'avoir eu un référendum catalan, quelques semaines avant le référendum catalan de 2014, il y avait eu le référendum d'Écosse. Oui, ben oui. L'Écosse voulait faire sécession. On en a beaucoup plus parlé, en fait. L'Écosse voulait faire sécession de la Grande-Bretagne. Là encore, c'est pas nouveau. Pour quiconque a vu Braveheart, et les autres aussi, je vais admettre que je n'ai pas vu Braveheart. Je sais juste que pas mal de quoi ça parle. Mel Gibson qui aime pas les Anglais au lieu de pas aimer les Juifs. Mm-hmm. En tout cas, bref. Avec un accent douteux. C'est ça. La face bleue, tout. Ouais. Mais c'est ça, en fait, le référendum en Écosse, en fait, on en a beaucoup plus parlé. Pourquoi? Parce que c'était une genre de grosse première, en fait. C'est-à-dire que la plupart des fois qu'il y a eu dans le monde occidental des référendums comme ça de séparation, de sécession d'une nation minoritaire à l'intérieur d'un pays, ça a toujours été semi-unilatéral. Il y a un exemple, en fait, c'est parce que les plus connus, en fait, ben, c'était les deux référendums qu'il y a eu au Québec. Ouais. La seule autre, puis c'est la seule sécession qui a fonctionné depuis l'instauration des États-nations au 19e siècle, c'est la Norvège. Okay, en fait. Ça, c'est la Norvège. Okay. Puis là encore, ben, ça s'est fait ça s'est fait quasiment naturellement. En fait, la Norvège a parlé avec, je me rappelle jamais si c'est la Finlande ou la Suède, je pense la Finlande. Je pense que c'est la Finlande. C'est la Finlande. Je mets tout le temps les trois pays. Mais ça fait dur, le chroniqueur qui dit ça. Mais bon, regarde, on est assez vieux pour... fait que... c'est ça. Ben, dans ce cas-là, ça s'était fait. En fait, les deux ont négocié ensemble. Ils ont fait « Hey, ça a comme vraiment pas d'allure qu'on soit ensemble. » regarde, c'était un mariage de raison. C'était un genre de mariage de raison plate. C'est une séparation à l'amiable. C'est ça, tu sais, c'était un divorce sain. Fait que c'est ça. Ça s'était fait de même, puis bon, ça avait pas fait de chicane trop. La grosse nouveauté lors du référendum en Écosse, c'est que l'Écosse avait négocié au préalable avec le Parlement britannique pour se mettre d'accord sur une question, sur un seuil d'acceptation. Une question à poser, là, tu veux dire, à tout le monde. C'est ça, tu sais, c'est quoi qui serait écrit sur le bulletin de vote exactement? Parce que ça, justement, lors des référendums québécois, surtout au deuxième, ça avait été très critiqué que la question était longue. Ouais. Si vous l'avez déjà lu, là, je veux dire, tu peux pas lire ça sans reprendre ton souffle. Là. T'as l'air d'un gag qui Ace Ventura fait, là, à la fin. Ouais. Et que, sérieusement, la question faisait, je pense, 8 lignes. Là. C'était ridicule. Elle était complètement, elle était vraiment pas claire, mais tu sais, justement, dans le temps, il essaie de se baquer puis tout. L'affaire, c'est que c'était pas clair. Donc, c'est ça, le référendum en Écosse. Ils ont mis un certain standard, ce qui rend quand même la situation un peu plus difficile pour la Catalogne, mais ceci étant dit, je veux pas trop parler de ces histoires-là de pauvre constitution, y aurait-tu dû, pas dû. Bon, en partant, le gouvernement de Madrid s'est toujours montré extrêmement fermé à juste ne serait-ce que considérer l'option de peut-être négocier sur un genre de question de référendum et ainsi de suite. Ils ont jamais été très ouverts à ça. Eux autres, c'est comme non, vous êtes espagnol, fameux voyeur. Ça a pas mal tout le temps été ça l'attitude. Donc, j'arrive à ma grande question, parce que là, rappelons que la grosse raison pour que on en parle, en fait, malgré le fait que pour nous autres au Québec, c'est peut-être intéressant jusqu'à un certain point de voir comment que ça se passe, comme je disais, il y a beaucoup de politiciens québécois qui sont là-bas, il y a Martine Ouellette, entre autres, qui est là-bas, il y a Manon Massé de QS, qui rapporte un peu là-dessus. Bon, okay, comme je dis, il y a plusieurs, puis il n'y a pas juste le Québec qui a envoyé de leurs politiciens et de leurs... Mais... Ce qui fait les nouvelles présentement, c'est la violence. Ouais. C'est à quel point est-ce que la police rentre dans le monde. Puis là, il y a pas de, il y a même pas tant de défense du style c'est parce qu'il y a des black blocs, puis ils causent du mobilier urbain, puis non, c'est même pas de ça. Ils font juste dire non, on fait respecter l'état de droit puis tout. Ouais, mais ton état de droit te permet pas vraiment d'envoyer des madames de 70 ans en sang à l'hôpital. Non, c'est ça, exact. Tu sais, il y a comme, tu sais. Trouve des limites, mettons. Fait que c'est ça. T'sais, les images sont assez frappantes. Puis tout, là, ben, on se demande pourquoi est-ce que les autres pays occidentaux dénoncent pas plus ce qui se passe. Mm-hmm. Parce qu'on va se le dire, il y a une petite manifestation syndicale, puis il y a une vitre de pété, puis c'est un drame normalement. Pourquoi est-ce que le monde panique pas plus avec ça? Puis pourquoi est-ce que, bon, tu sais, on se croirait, ce qu'on regarde, on se croirait pas du tout dans un pays qui fait partie de l'Union européenne, non, on se croirait genre je sais pas, moi, dans le je sais quelque pas, part au Moyen-Orient. Je sais pas où, genre. ouais. Ou dans un quelque chose à Aïdjan d'ancienne URSS ou de en Russie, en fait. Ou en fait, en Russie, on n'aurait pas eu les images. Mais, tu sais, ce genre d'affaires-là, tu sais, ça frappe. Tu sais, ça frappe l'imaginaire, tu sais. Je veux dire, l'Espagne, c'est pas... T'sais, on se sent relativement proche d'eux autres. Pays occidental, démocratie, tout le kit. Bon, qu'est-ce que c'est ça? La police qui fait ça, là. Fait que, en fait, à réfléchir à cette question-là, parce que c'est ça qui me buguait beaucoup, c'est comme, ouais, mais Colin, le monde dénonce pas. Il n'y a pas de temps de... Puis ça, d'ailleurs, je vais revenir là-dessus, parce que pendant que j'écrivais ma chronique, il y a sorti une nouvelle. Mais bref. Puis là, j'ai commencé à les prendre un par un. Puis là, puis j'en ai parlé avec... d'ailleurs, pour toute la préparation de la chronique, je vais lui donner un peu de crédit. J'en dois une à mon collègue, Lucas Hubert, avec qui on animait la sortie de secours l'année dernière, qui lui s'est beaucoup informé sur le sujet depuis les dernières années. Puis bon, il m'a envoyé pas mal de cues. Fait que je voulais juste lui donner un petit crédit en... Ben oui, c'est bien correct, qu'on le salue. Il m'a comme servi de rechercher ça un peu. Là. Il est fin. J'espère un retour de cette émission-là un jour. Hein. Peut-être. On va peut-être avoir des affaires annoncées. Oh! Mais pas de suite. Les dons de ta rédaction, fait que c'est ça. fait que j'ai pris quelques pays un par un. Puis là, je me suis dit, bon, la France. D'habitude, Colin, la France, c'est les premiers à tomber en manifestation pour toute période. Tu sais, c'est dans leur culture, la France, de sortir des rues une fois de temps à autre, puis de scraper du mobilier urbain. Ça fait juste partie de la vie, eux autres. C'est de l'exercice. C'est ça, tu sais. Ça arrive une fois de temps à autre, puis pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ben c'est ça. pourquoi la France back pas plus le peuple catalan, ouais. C'est que, en fait, dans le territoire traditionnel de la Catalogne, c'est-à-dire la nation catalane, les gens qui parlent catalan, entre autres, ben, il y a une petite partie qui dépasse sur le sud de la France. Mm-hmm. Ça dérange. Fait que là, ben, ce qui arrive, c'est qu'il y a une partie des Catalans, dans le fond, qui sont des citoyens français. Ah, il y a voilà. une partie de ce qui serait le territoire catalan, si la Catalogne, vraiment, on y allait comme culturellement, nationalement, on séparerait un peu les ouais. frontières parce que ça empiète sur la France. Ah, mais là, par contre, ça, la France, ça leur tente pas de faire ça. Ben non. Tu sais, la France, c'est un bel hexagone. Mm-hmm. C'est le surnom de la France, on appelle ça l'hexagone. T'sais. Hey, là, ça se craperait à la pointe du sud, hey, ça serait plate un oui. peu. Hey, ça serait dur. La symétrie, tout ça, voyons. Hey. Donc, fait que c'est une des raisons pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas trop le goût mm. de que ça passe. T'sais. Mm-hmm. Fait que sont comme, ouais, c'est ça. T'sais, on va pas dire qu'on est d'accord que vous fessiez sur vos citoyens retraités, mais ça, on va pas vous dire que ça fait pas notre affaire. Fait que qui plus est, je me suis noté la France bis, parce que la France ont aussi leur propre petit bobo interne, une autre petite nation englobée par la France, qui est les Bretons. Oui. Si vous voulez insulter un Breton, dites-lui qu'il est français. On en connaît tous un. c'est les Bretons sont un peu les Québécois de la France, en okay. fait, littéralement. En fait, une des affaires, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a quand même une bonne partie des bateaux qui sont partis de France pour coloniser la Nouvelle-France qui venaient de Bretagne. En ah. fait. Fait que, c'était le nord de la France qui a Normandie puis Bretagne. C'est un peu drôle. On a quand même des racines les plus de souche. Ah, j'aime pas l'expression. Non, pas je m'excuse d'avoir ouvert cette porte-là. donc, c'est ça. Fait que là encore, la France a pas le goût de donner des idées aux Bretons. Parce que si l'Espagne finit par reconnaître l'indépendance de la Catalogne, ben là, ça, les Bretons vont faire « Hey, nous autres avec. » Ouais, bonne hein? idée. Hein? Fait que là, la France va faire « Ah, oh, damn, c'est pas ça qu'on voulait. » Dans quoi est-ce qu'on s'est embarqué? Là encore, bon, la France, c'est déjà un pays influent, notamment dans l'Union européenne. Mm-hmm. Donc, si déjà la... Mettons que là, il y a déjà quelques petits pays un peu moins influents qui veulent pas se mettre la France à dos, fait qu'ils vont pas faire de quoi que la France aimerait pas. Dans les autres pays, pas si petits et pas pire influents, du genre le Parlement européen est chez eux, la Belgique. Mm-hmm. La Belgique, eux autres, ben, c'est les Flamands ouais. qui voudraient faire sécession. Ça revient une fois de temps en temps dans l'actualité, mais il n'y a pas vraiment eu de référendum de ce que j'ai vu à date. Mais ça reste que les Flamands aimeraient bien s'en sacrer leur camp aussi. Fait que là encore, si les Catalans, ça passe. Puis là, ben, il y a évidemment la Grande-Bretagne qui... Puis là, c'est là que je vais mettre un bémol. La Grande-Bretagne, ben, l'Écosse. Mm-hmm. On en parlait tantôt, mais il y a aussi l'Irlande. Ouais. Le Pays de Galles. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la Grande-Bretagne... j'ai pas trouvé la fraction exacte, mais il y a facilement le tiers du territoire de la Grande-Bretagne que c'est des pays annexés, en fait. Mm-hmm. C'est des nations annexées à l'Angleterre. Ben, c'est pour ça qu'il faut pas confondre Grande-Bretagne et Angleterre. C'est ça. La Grande-Bretagne, c'est le tas d'îles. Ouais. L'Angleterre, c'est l'île en triangle. Même pas toute l'île en triangle, parce que le Pays de Galles est là-dessus. Et l'Angleterre, c'est ceux qui ont quitté l'Union européenne, pas la Grande-Bretagne au complet. En fait, non, la Grande-Bretagne a quitté parce que l'Angleterre contrôle la Grande-Bretagne quand même. La Grande-Bretagne, c'est compliqué en Simonac. Ce sera pour une autre chronique. Ça sera pour une autre chronique. écoute, on pourrait donner un cours de 45 heures là-dessus puis même pas faire le tour. Ouais. Parce que, en plus, tu sais, comme, mettons, dans le cas des provinces canadiennes, mettons, ben, on a un régime de, il y a 10 provinces. Les 10 provinces, ben, ils ont tous à peu près les mêmes pouvoirs. C'est juste que le Québec, dans les affaires qu'ils peuvent faire, le Québec a opté pour avoir plus d'indépendance là-dedans, mettons. T'sais, comme, mettons, on a nos propres taxes. En Angleterre, mettons, comme je parlais, les grosses régions indépendantes, les grosses régions annexées ou qui font partie de la Grande-Bretagne, mais qui sont pas l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles, il y en a pas deux qui fonctionnent de la même façon. Comme par exemple, l'Écosse a droit à son propre parlement et à ses représentants au Parlement d'Angleterre. Le Pays de Galles n'a pas son propre parlement. En tout cas, c'est un bordel. Faut pas que tu grattes le sujet du Pays de Galles. Non, D'ailleurs, je dois redonner, parce que pendant hier soir que je préparais ma chronique, est sortie une nouvelle comme quoi est-ce qu'en fait, je parlais qu'il y avait des observateurs d'un peu de tous les pays qui s'étaient pointés là-bas. Mm-hmm. Les observateurs, dans le fond, des parlementaires britanniques. Des scènes. Des gens d'Angleterre qui sont allés voir là ce qui se passait. Parce qu'en fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un... Vu que les référendums, en fait, comme ça, c'est une affaire pas encore bien établie dans le droit international, dans la, je dirais même dans la culture politique internationale, s'il existe une telle chose. Fait qu'à chaque fois qu'il y en a un, ben, t'sais, quand il y a eu les référendums au Québec... Je, là encore, j'étais pas là. Je veux dire, en 95, moi, j'apprenais à écrire. Oui. Mais il y avait des. C'était relativement nouveau encore déjà. Tu sais, on est porté à penser que l'état du monde actuel, divisé en états-nations comme on a là, c'est-à-dire des états que c'est une espèce d'appartenance commune du peuple qui a un territoire qui crée. Qui justifie les limites puis tout ça, c'est relativement nouveau dans l'histoire de l'humanité. Tu sais, on s'est toujours fait présenter des cartes de l'Égypte antique puis de la Grèce antique puis du Moyen-Âge, de l'Europe du Moyen-Âge puis tout ça dans nos cours d'histoire à petite école pour au secondaire. Puis on est porté à penser que c'est de même simplement parce qu'on se le fait présenter comme ça, parce que le monde est organisé de même aujourd'hui. Mais en fait, c'est relativement nouveau. Ça date peut-être de la fin du 17e siècle, un truc comme ça. Avant, ce qui faisait un pays, c'était le lien de seigneurie, si on veut, entre guillemets. C'était, c'est qui ton seigneur? Ton seigneur, lui, il s'agenouille devant quel archi-seigneur, mettons, puis cet archi-seigneur-là s'agenouille devant quel roi. C'était ça, c'était un lien social, entre guillemets. Ça, c'est les seigneurs qui ont fait le pays de Galles. Quand tu grattes là. Lâche pas. Celle-là est un petit peu forcée. Elle est un petit peu forcée. Tu sais, il faut pas forcer la gale. Je l'ai rattrapé. Bravo. Donc, c'est ça. Ça pour dire que c'est ça, l'État-nation, c'est un truc qui a à peu près 200-300 ans dans le top. Puis tu sais, je dis, ça a été instauré vraiment. Les pays européens, comme on les connaît, se sont à peu près toutes faites au courant du 19e siècle. Donc, ils ont généralement pas 200 ans, contrairement à ce qu'on est porté à penser des fois. T'sais, il existait une France, mais la France, c'était quoi? Ben, c'était le monde qui s'agenouillait devant le quelconque monarche qui parlait français, puis en fait, qui portait des grosses perruques. C'était ça, les Français. C'était pas une question de « Ah oui, il y a une ligne, puis si t'habites de ce bord-là de la ligne, t'es français, puis si t'habites de ce bord-là de la ligne, ben, t'es un Germain, t'es un Espagnol ou un Catalan, ou whatever. » Tout ça pour dire, je reviens à les... j'ai fait une grosse chire, mais c'est ça, les observateurs britanniques, en fait, ceux qui sont venus voir ce qui se passait là-bas. J'ai vraiment reparti... ça va bien. Ouh, ouais, c'est ça. Tu sais, là, c'est ça, là, j'ai une liste de points pour me ramener un peu, fait que là, c'est ça, les... Donc, c'est ça, les Britanniques sont allés voir ça. Tu sais, le point que je voulais amener avec toute cette chire-là puis ce mini-cours d'histoire-là, c'est que les États-nations, c'est nouveau. Les États-nations qu'on pourrait dire territorialisées, c'est-à-dire basées sur l'appartenance d'un peuple à un territoire et non à une genre d'appartenance sociale à une figure dominante, à un gouvernement, si on veut dire, là, même si c'était généralement un monarque, là, mais tu sais, ça reste une forme de gouvernement, là, une tyrannie. Là. C'est une forme de gouvernement, ça veut pas dire que c'est une bonne. Non, c'est comme les dictateurs aussi, c'est un gouvernement. C'est ça, c'est un gouvernement, ils gouvernent. Oui. C'est ça. C'est toute une autre question. Aristote a dit un jour que parfois un très bon un tyran éclairé va être mieux qu'une démocratie de marde. Hey. Mais ça dépend des conditions, c'est des cas extrêmes. Donc, c'est ça, parce que je... Bon, bref, ça pour dire, c'est relativement nouveau, les référendums. Le besoin pour le référendum est relativement nouveau. C'est relativement nouveau. Donc, à chaque fois qu'il y en a un, c'est un peu un laboratoire pour le monde entier. Donc, beaucoup de pays qui s'intéressent. La Grande-Bretagne, parce que ça leur pend au nez, veut pas. Nous autres, les Québécois, à toutes les fois qu'il se passe une affaire qui commence par un R, il y a des péquistes qui se pointent là, c'est sûr. Oui. Donc, ainsi de suite. Les observateurs de la Grande-Bretagne, comme je disais aux autres, ben, ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu, finalement, pour me faire mentir un peu sur ce que... Puis comme je dis, la nouvelle est sortie pendant que je le... Depuis hier soir, dimanche. C'est ça, pendant que je préparais ma chronique d'aujourd'hui. C'est dans Libération que je l'ai trouvé. Apparemment que les envoyés de la Grande-Bretagne vont faire une plainte au Tribunal pénal international. OK. Tribunal pénal international, là, pour vous dire, là, ça a été inventé pour punir les nazis qui s'étaient fait pogner. c'est quand même assez sérieux quand ça tu doit, te fais accuser là. On va voir ce que ça va donner. Moi, mon trip de constitutionnaliste est comme ouh, ça me donne des frissons d'infofone. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, j'étais sur la liste des pays qui ont intérêt à ce que ça ne passe pas. La Grande-Bretagne, heureusement, en tout cas, au moins des envoyés de la Grande-Bretagne ont racheté un peu leur honneur. Et je finissais cette liste-là sur quel pays présentement est en train de fermer sa gueule et on comprend donc pourquoi. Ben, notre très cher Canada. Bon. Parce que c'est sûr que le jour que Justin dit « Ouais, faudrait peut-être que les Espagnols laissent les Catalans faire leur indépendance. Oh, flûte alors, qu'est-ce qui se passe? » Ben, hey, il y a un Jean-François Lisée qui vient de là encore faire un petit pipi nerveux. Fait que, ou qui pleure de joie. Donc, c'est ça. Fait que bref, tout ça pour dire que c'est un peu dégueu ce qui se passe présentement. Je voulais conclure un peu ma chronique en disant que l'important, je pense que présentement, c'est donner notre support au peuple catalan. Peu importe notre opinion sur la question de l'indépendance de la souveraineté, c'est qu'ils sont quand même victimes d'intérêts clairement autres que les leurs. Puis que c'est ça qu'on soit pour ou contre l'indépendance, c'est pas correct ce qui se passe. Pas de même, ça devrait se faire. C'est sûr qu'une constitution, ça change pas de même, mais... Oui, en même temps. On peut essayer au moins. Puis il y a des moyens de la faire respecter autre que de l'encore de fesser sur des personnes âgées qui veulent aller voter. Sans défense. C'est ça. Ouais. Surtout dans un pays que, comme il y en a qui le disaient, il y a du monde qui sont encore vivants. Tu sais, de ces retraités-là, justement, ils ont vécu l'époque où ce que l'Espagne était une tyrannie, que t'avais pas le droit de vote n'existait pas, puis qu'ils ont dû se battre pour ça. Donc, en fait, c'est pas mal là-dessus que je voulais finir ça, c'est que la démocratie, c'est pas supposé de faire mal à personne. Bon. Voilà. Bon. Référence à la guerre des trucs pour finir? C'est ça, c'est ça. La guerre, pas une raison, c'est pas mal. C'est ça. Ouais. C'est ça. Merci, Tania. Fait plaisir. Merci, Seb. On a pas parlé de Las Vegas parce que ça a eu lieu pendant la nuit. On s'entend que ça vient d'avoir lieu. C'est ça. Dans on est rendu à 50 morts quand même. Hein? Ouais, on peut le reconnaître au moins en 10 ans. Non. Et plus de 200 blessés. C'est ça. Ouf. Et on les salue. On les salue. Merci Sébastien Edgard. Merci à vous. On se retrouve dans une semaine, donc chaque semaine, oui. Même si t'étais pas là la semaine passée, on va arrêter d'en parler. Là, t'es vraiment juste embarqué. Là, c'est dorénavant. C'est fait, chaque il va semaine. Être de retour ouais, dans deux ça. Semaines. Mes vacances sont prises. Ouais, chaque semaine. Exact. Merci encore. C'est tous les lundis. Alors, début d'émission vers les 7h. Ouais, genre. On écoute une formation qui nous fait se demander si les Catalans sont des héros et si. Si la pièce s'appelle Héros ou Ennemi, 7h30 va arriver puis je vais être plus en forme. Ok, c'est bon. Mais en théorie, 7h30 est déjà arrivé. T'es encore après sur ton horaire de l'année passée. Ouais, après la pause de 7h30, je vais être en forme. Ok, c'est bon. Hello. est-ce que l'envie tombe? C'est pas normal de fuir son nom. Et si le temps me blesse, que l'air est lent, oh, oh, on est là, plongé au fond. Héros ennemi, personne veut le savoir. Octoplate! Oui, il faut dire comme ça, Octoplate, avec héros ou ennemi, assemblage requis. On prend une pause au retour, on va faire son foutu palmarès. Mm-hmm. T'es revenu? Ben oui. Okay. J'ai tout le temps été là. Ouais, c'est ça. Je vois pas de quoi tu parles. Non, c'est... J'entendais l'intérieur de ton nez plus que ta bouche. Je suis prêt. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Vous êtes assez fou. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage de qui? Oui. Assemblage de qui? Toujours à Assemblage Requis, on est lundi 2 octobre 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ah oui, on a tous les deux une voix là, qui n'est pas la même qu'à l'habitude. Non, ben voyons, de quoi parles-tu? Toi pour une voix rauque, moi pour une voix avec mucus derrière. Exactement, ça ressemble à ça pas mal. Ça fait de la bonne radio, on aime ça. Tout à l'heure, dans une quinzaine de minutes environ, on va avoir un nouveau chroniqueur, Alexander Bright, qui va venir nous parler un petit peu de nouvelles du monde. Ça va ressembler un petit peu à ce que Sébastien fait, mais plus en bref et avec plus de nouvelles de partout dans le monde. Donc, c'est un petit survol de la planète, le monde ce matin, dans une quinzaine. Mais avant ça, on va parler de n'importe quoi. Mm-hmm. Dans l'ordre, par contre, dans son foutu palmarès. Jusqu'à ce que je tombe sur sa liste. J'étais numéro 2. J'ai entamé ma descente sur son foutu palmarès. Je ne réponds plus à ses attentes. Je suis maintenant à la baisse. On oublie les projets. Ma position, je la cède. C'est fini, je m'en vais. Et je t'en vais. Son foutu palmarès, c'est la chronique où on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et cette semaine, cette fois-ci, en fait, on parle de compagnies qui ont changé de nom en cours de route. D'accord. Un nom, c'est important, évidemment. Hein? Mais oui, tout à fait. Mais avant de devenir des multinationales, comme on les connaît aujourd'hui, ces entreprises-là avaient des noms différents. Donc, commençons par Google. Ah ouais? Qui, à l'époque, s'appelait Backrub. Comme Backrub? Comme dans un massage là, de dos. De là. Dos? Mm-hmm. Ça a l'air un petit peu bizarre, mais en fait, le nom de l'engin de recherche faisait référence à la façon que l'Internet analysait les liens, donc les backlinks, les liens de retour vers l'arrière, donc pour comprendre l'importance des sites web. Donc, Backrub a duré moins d'un an et le nom Google a été mis sous marque de commerce le 15 septembre 1997. Ensuite, on reste dans le même domaine un petit peu avec Yahoo, qui s'appelait Jerry and David's Guide to the World Wide Web. D'accord. Oui, c'est long quand oui, même. Oui, c'est ça exactement. Un peu moins accrocheur, t'aurais pas de Yahoo. Non, pas vraiment. Ça ferait genre Turn David Guys to the World Wide Web. C'est pas mal moins beau. Donc, ses humbles débuts, c'est une liste de sites web organisée par des étudiants qui avaient gradué de Stanford, Jerry Yang et David Filo. Yahoo a été nommé pour ses créateurs. Et puis Yahoo pour Yang et Filo. J'imagine qu'on prononce Filo, je sais pas. J'imagine. Bref, le 2 mars 1995, le duo a changé de nom pour Yahoo. Il disait que c'était un acronyme pour Yet Another Hierarchical Officious Oracle. Mais c'est pas vraiment vrai. Non, c'est ça. Ensuite, Pepsi, qui s'appelait à l'époque Brad's Drink. Ah, ouais. En 1893, un pharmacien de la Caroline du Nord, Caleb Davis Bradham, a inventé une concoction délicieuse de sucre, d'eau, de caramel, d'huile, de citron, de noix de muscade, de noix de cola et quelques autres ingrédients. La création qui se nommait donc Brad's Drink est devenue une sensation. En 1898, Bradham a renommé ça pour Pepsi Cola parce qu'il croyait que c'était une boisson santé qui aidait les indigestions, aussi connue sous le nom de dyspepsie. Ensuite, Nike. Oui. Ça s'appelait Blue Ribbon Sports. Oui, c'est vrai. Lorsque Nike a été fondée en 1964 sous le nom de Blue Ribbon Sports, la compagnie ne produisait pas de souliers. Enfin, elle faisait qu'elle est distribuée pour une compagnie manufacturier japonais, Onitsuga Tiger. Lorsque Blue Ribbon a commencé à fabriquer ses propres souliers en 1971, ils ont changé la marque. Dimension 6 a été considéré pendant quelques instants, mais les fondateurs Phil Knight et Bill Bowerman ont sélectionné Nike en l'honneur de la déesse grecque de la victoire. Ouh. Ensuite, EA Games. À l'époque, okay. Ça s'appelait Amazing Software. Tu connais EB Games, mais EA Games. Ben, tu connais EB Games parce que les gens au Québec l'appellent comme ça, mais c'est EB Games parce que c'est un B. OK. EB Games. Les gens disent EB Games, mais là, c'est un peu confus avec ouais, EB. Ouais, non, hein. C'est ça, exactement. Bref, l'ancien directeur de la stratégie chez Apple et aussi directeur du marketing, Trip Hawkins, a fondé EA Games en 1982. Il a appelé ça Amazing Software. La compagnie a pris de l'ampleur et Hawkins a décidé qu'il avait besoin d'un nom qui montrait plus donc le développement de logiciels et de jeux comme une forme d'art. Donc Electronic Arts, les arts électroniques, donc ça a donné EA Games. Ensuite, et en passant, si je peux faire une parenthèse qui n'est pas dans l'article, mais EB Games, ça, c'est pour Electronics Boutique. Donc, quand tu appelles la boutique EB au centre commercial des Rivières, la boutique EB, ça veut dire boutique Electronics Boutique. Fait qu'il y a comme deux fois le mot boutique, c'est un peu bizarre. Ouais, hein? Justement. Toujours dans la liste des compagnies qui ont changé leur nom, Best Buy, c'est pas toujours appelé Best Buy. Ça s'appelait Sound of Music. Ah, ouais? Ouais, ils vendaient surtout des équipements de stéréo, de système de son. Le fondateur de Best Buy, Richard Schulz, a donné à ses magasins, en fait, le nom, qui est un petit peu un jeu de mots, Sound of Music. En 1981, le désastre a frappé, une tornade a enlevé le toit du magasin Sound of Music à Roseville, dans Minnesota. Ça a détruit la salle de montre et ça a endommagé pas mal beaucoup de stock. Quelques jours plus tard, Scholz a déménagé ces articles-là qui étaient endommagés dans le stationnement. Il a déclaré ça une vente de tornade où okay. Les gens pouvaient avoir les meilleurs achats. Pour vrai? Best Buys, je te jure. La compagnie a vendu plus d'articles pendant cette vente tornade de 2 jours que j'aime auparavant. Et 2 ans plus tard, la compagnie s'était renommée Best Buy. Quelle bonne idée. Fort. Ensuite, tiens, drôle de hasard quand même qu'on fasse cette chronique-là quelques jours après la mort de Hugh Hefner. Oui, en effet. Mais Playboy, c'est pas toujours appelé Playboy. Eh bien, non. Ça s'appelait Stag Party. Je suis pas sûr si c'était mieux. Je sais pas, hein. Donc, Hugh Hefner a fondé son magazine risqué pour les hommes en 1953. À l'origine, le nom était Stag Party, qui était un hommage à un livre de dessin, de bande dessinée, oui, un petit peu, comment dire, kinky, hein, des années 30, nommé Stag at Eve. Juste avant la sortie du premier numéro, par contre, Hefner a reçu une lettre, un cease and desist qu'on appelle en anglais, c'est-à-dire un interdit de publication d'utilisation de ce nom-là, donc de la part de Stag Magazine, une autre publication pour les hommes, après avoir considéré quelques noms comme Top Hat, Bachelor, Gent, Satire et Pan. Hef a décidé que Playboy, qui venait des années 20 comme titre, était quand même inspirant. Ben, ça m'a inspiré beaucoup, en tout cas. Je pense que oui, ouais. Ensuite, quelque chose qu'on connaît bien ici, Subway. Oui. Ça n'a pas toujours été Subway, ça. Ah ouais? Non, avant, c'était Pete's Super Submarines. En 1965, Fred DeLuca, 17 ans, a pris un prêt de 1 000 $ de la part d'un ami de la famille, Dr. Peter Buck, pour ouvrir une petite boutique de sandwich à Bridgeport dans le Connecticut, et il a nommé la boutique en son honneur. Des fois, il devait raccourcir le nom pour pouvoir entrer sur des pancartes à l'extérieur et dans les publicités radio, parce qu'on s'entend que Pete's Super Submarines, c'est long à dire à la radio, tu parles plein de temps. Hein? Donc, oui. Les gens entendaient Pete's Submarines à la radio, ils pensaient souvent avoir entendu les noms Pizza Marine. OK. Selon ce que DeLuca a écrit dans son autobiographie, donc les clients se présentaient au restaurant et demandaient de la pizza aux fruits de mer. Parce que c'était Pizza Marine. Ben oui. Les gens comprenaient pas, donc ils ont changé ça pour Pete's Subway, éventuellement seulement Subway. Bonne idée. Claire. Ensuite. Oh boy. Tinder. Ouais. Tinder ne s'est pas toujours appelé Tinder. C'est quand même récent. On a l'impression que c'est et récent. Pourtant? Mais pourtant, il y avait un autre nom avant, c'était Matchbox. L'application de dating, au départ, s'appelait Matchbox. C'était donc un jeu de mots ou une référence à l'amour et au feu, les étincelles, la flamme qui s'allume, etc., etc. Mais le cofondateur Jonathan Bedeen disait que le nom n'était pas exactement correct. Donc, ils sont allés voir dans le dictionnaire des synonymes, un thésaurus. Uh-huh. Et Tinder a attiré leur attention parce que c'est un mot inhabituel. Et aussi pour son homonyme, Tinder, comme dans Tendre. Oui. Tinder, donc c'est vraiment le Est-ce que c'était... C'est le meilleur match. Wow! Mais Tinder, en tant que tel, là, c'est quand tu pars avec une allumette, mettons, tu pars... Le feu, c'est le feu. C'est pas la petite spark. Je crois que c'est directement l'étincelle. Ouais, c'est ça. Bref, oui. Matériaux inflammables comme du bois ou du papier utilisé pour allumer un feu. Donc, c'est la chose que tu utilises pour allumer. Ensuite de ça, on passe à Snapple. OK. On dirait que c'était à mode dans les années 90. Ouais. Ça existe encore. Ça existe encore moins au Québec et au Canada qu'aux États-Unis. Il y en a plus là-bas. Bref, à l'époque, Snapple s'appelait Unadulterated Food Products. Donc, la compagnie qui s'est plus tard renommée en Snapple a été démarrée pour vendre des jus naturels à des magasins de nourriture santé. Donc, le nom original, Unadulterated Food Products, était pratique, mais pas super accrocheur. Un de leurs produits les plus populaires était du jus de pomme avec des bulles. Et okay. On mentionnait sur l'étiquette Snappy Apple Taste, donc un goût de pomme qui a du snap. Hey et puis, boy. Éventuellement, ça a été incorporé comme nom de marque comme on le connaît aujourd'hui. Ensuite, Clorox. Détergent lessive, trucs comme ça. À l'époque, c'était The Electro-Alkaline Company. Clorox était exposé donc à des produits industriels lorsque la compagnie a été fondée en 1913. Ça a commencé à être utilisé par les autres gens lorsque l'investisseur Annie Murray a suggéré de créer une solution moins concentrée pour la maison. Donc de l'eau de Javel, oui, qui est devenu plus populaire. Les gens ont commencé à l'appeler Clorox, qui était un porte-manteau de ces deux ingrédients principaux, donc le chlore, chlorine, et l'hydroxyde de sodium. Donc, ça a fait Clorox lorsque mélangé ensemble. La compagnie a eu du succès et s'est renommée en l'honneur de son produit en 1922. Ensuite, Dell. Les ordinateurs Dell, à l'époque, s'appelaient PCs Limited. Lorsque Michael Dell a commencé à faire des affaires dans son dortoir à l'Université du Texas en 1984, il a nommé sa compagnie PCs Limited. À la fin de l'année, il a abandonné l'école pour s'occuper de sa compagnie à la place. Et donc, éventuellement, ça a changé de nom pour Dell. Ensuite, Target. Surprenant. Ouais. Je vois tout le temps passer sur Internet des vieilles publicités de Target des années 90. Oui, mais je me dis que ça fait bizarre parce qu'on n'a pas vécu ça ici. On a vécu seulement un an et demi de Target. Exact. On n'a pas ça. Des fois Target. À l'époque, ça s'appelait Goodfellow's Dry Goods Company. Oui, bon, c'est assez long à mettre sur un panneau publicitaire. Tu sais, okay, je sais pas qu'est-ce que tu choisis comme logo, là, à part une cible pour je Target. Je sais pas. Donc, en 1902, George D. Dayton est devenu partenaire chez Goodfellow's Dry Goods Company, un grand magasin à département, comme on appelle un magasin grande surface à Minneapolis, dans le Minnesota. En 1903, il était devenu propriétaire complet du magasin. Il a renommé ça, c'est encore bien mieux, là, Dayton Dry Goods Company. Tellement mieux. L'entreprise a pris de l'expansion pendant plus d'un demi-siècle, oui, avant de sortir la chaîne de magasins Target en 1962. Le but était de frapper le centre de la cible, oui, voilà. Et le nouveau magasin a fait la même chose en termes de, d'engagement vers la communauté, des services, des biens qu'il vendait, les prix, la valeur, l'expérience. C'était donc le but de frapper la cible dans ces domaines-là. Donc, Dayton a fusionné avec la J.L. Hudson Company en 1969 pour devenir Dayton Hudson Company. Et c'est seulement en 2000 que la compagnie s'est renommée Target Corporation en l'honneur de son magasin principal, mais les magasins Target existent depuis 1962. Ensuite, 7-Eleven, les dépanneurs 7-Eleven, qui à l'époque, s'appelaient Totem. Oh, d'accord. Les premiers dépanneurs donc s'appelaient Totem, en l'honneur de comment les gens amenaient leurs achats dans leurs mains. Ah ben oui. Totem. C'est aussi un jeu de mots, bien sûr, parce que plusieurs avaient un totem, donc une espèce de structure, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Une statue? Une statuette de bois. Statuette de bois, ouais. Un totem, c'est ça. Le nom a été changé en 1946 pour rendre hommage aux heures d'ouverture du magasin, en fait, de 7h du matin à 23h, 7-11, 7 jours semaine. Donc c'est devenu, voyons, 7-11. Ensuite, pour terminer la liste, des compagnies qui ont changé de nom, Amazon, c'est pas toujours appelé Amazon. Ah non? Ça s'est appelé Relentless. Et si vous tapez relentless.com dans votre furteur, vous allez rapidement être redirigé vers Amazon parce que le fondateur Jeff Bezos aimait bien le nom de Relentless au début et j'imagine qu'ils ont gardé le nom de domaine depuis. Probablement. Les amis, par contre, de Jeff Bezos trouvaient que le nom avait l'air sinistre un petit peu, donc il a flotté d'autres idées, dont Awake, Bookmail, Browse et Kadabra. On se rappelle que Amazon vendait surtout des livres au début, dont le nom Bookmail ou Browse. Le dernier nom, Kadabra, qui faisait référence à Abracadabra, a été mis de côté lorsque les avocats de Bezos ont entendu ça comme le mot cadavre. Cadavre. Mm-hmm. Bracadabra, cadavre. Amazon, donc, a gagné, étant donné que ça suggérait une grande échelle de vente. Et l'Amazon est la plus grande rivière du monde, selon son volume. Et aussi parce que ça commence avec A, ce qui est parfait, surtout pour l'époque où les sites web étaient listés en alphabétique, entre autres sur Yahoo. L'alphabet a bien fonctionné pour Amazon. Voilà pour cette liste des commerces qui ont changé de nom à travers l'histoire. On prend une pause. Au retour, la nouvelle chronique d'Alexander Brett. On va faire un petit tour du monde dans les actualités. Ça sent bien. Au retour, restez là. La deuxième heure d'Assemblage requis en ce lundi 2 octobre 2017. Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On se courait pour faire autre chose pendant la pub, mais finalement, on n'a pas eu le temps de le faire. Je tiens à remercier Mathieu qui m'a gentiment prêté sa veste parce que je suis gelée comme un petit canard ce matin. Ça me fait plaisir. Ma veste va sentir Tania pour le reste de la semaine. Ou hein? Je vais sentir Mathieu, un des deux. Un des deux. Je ne l'ai pas porté si souvent que ça, finalement. J'ai rarement froid. Oui, c'est vrai. Voilà, donc on va prendre quelques instants avant de commencer la chronique sur l'actualité mondiale avec Alexander Brett. Avant ça, on s'écoute une pièce en fait de band qui s'appelle Dead From Above 1979. C'est super bon ce band-là, en tout cas c'était à l'époque. J'ai bien hâte de voir si leur nouvelle pièce est aussi bonne que ce que je connais d'eux. Voici Never Swim Alone, nouvelle entrée du palmarès anglophone sur ses 89.1 FM. Ouh, c'était cool ça, c'était bon. Sun clear. the phone. Please leave a message after the tone. Beep. Death from Above 1979 avec Never Swim Alone. C'est j'aime très ça. Bon. J'aime vraiment ce band-là. C'est très, très bon. Bref, vous êtes à l'émission matinale en pièces détachées. Maintenant, on va faire quelque chose de spécial. Tellement détaché à matin. Oui, tellement détaché. Non, c'est vrai. Les morceaux se suivent, mais ne se ressemblent pas. Exactement. Et on a un cadeau pour vous. Oui, tout à fait, un cadeau. Je ne veux pas dire une expérience, parce que c'est tellement pas une expérience. C'est vrai que ça a l'air négatif dit comme ça. C'est pas un essai ou un test, parce qu'on lui a déjà offert le poste. Oui, exactement. c'est une collaboration, disons une ça comme ça. Une collaboration, c'est très bien dit. On a un étudiant qui nous provient de la Grande-Bretagne, qui va nous faire un petit survol de l'actualité mondiale dans le monde ce matin. C'est Alexander Brett. Fois de H. Oui, parce que ça, Alexandre Alain serait bien. Ouais, c'est ça. Ça serait différent un petit peu. Alexandre Brett qui ne connaît pas encore super bien le français, donc on va pas interrompre, pas à l'oral en tout cas, on va pas l'interrompre trop souvent dans la chronique, sinon même pas du tout. Exactement. Hein? On va le laisser faire. On va le laisser faire, mais on va évidemment le mettre à l'aise avec nous en lui demandant simplement pour commencer dans quel champ d'études tu étudies, Alexandre? Je vais parler sur le référendum en Catalogne parce que c'est l'actualité de matin, mais aussi je viens d'attendre que 5e de personnes ont été tuées dans un tournage à Las Vegas. Oui. Mm-hmm. Alors, c'est ça les dernières nouvelles, donc désolé, mais je n'ai pas beaucoup d'informations sur ces sujets maintenant, mais consultez les principaux sites d'informations pour tout ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est le breaking news maintenant. Oui, c'est assez énorme comme nouvelle. Donc, Alexander, on va te laisser faire ton petit bulletin de nouvelles. Oui, merci et bienvenue. Nous commençons ce matin, comme j'ai dit, avec le référendum en Catalogne et le gouvernement catalan a raconté hier soir que c'était une victoire décisive pour les indépendants qui gagnent environ 90% de vote. Mais il est peu probable que Madrid ne reconnaisse pas ses poids. Le premier ministre espagnol Mariano Rajoy a déclaré hier que les Catalans étaient trompés dans le vote dans un référendum illégal et que son gouvernement ne reconnaîtrait pas en aucun cas un droit à l'autodétermination pour les Catalans. Et pendant toute la campagne, le gouvernement espagnol a appelé le référendum inconstitutionnel. Même hier, nous avons vu de nombreux actes de brutalité policière et les autorités espagnoles ont scellé des bureaux de vote et saisi des bulletins. Et aussi, c'est important de se rappeler que seulement 42,2% des Catalans ont voté dans ce référendum. Le reste de la population a fait une station fermée et a été trop peu de voter. Donc c'est probable que le Catalan sera entré dans une situation assez comme le Québec et l'Écosse, mais peut-être plus violente. Ils ont maintenant un référendum sans fin. Et restons avec l'indépendance pour le moment. Les soldats au Cameroun ont abattu au moins 8 personnes lors des manifestations d'indépendance dans des parties anglophones du pays hier. Et des rassemblements ont lieu de 56e anniversaire de l'incorporation des régions de la Cameroun. Et le maire du Kombo, c'est le territoire nord-ouest, a déclaré que le drapeau du mouvement sécessionniste était implanté dans les yeux symboliques de la ville, ce qui a provoqué un mécontentement. Et le problème en Cameroun dérive du fait que le Cameroun était divisé entre les régions anglophones et les régions francophones après la colonisation par la Grande-Bretagne et la France à la fin de la Première Guerre mondiale. Et bien que les pays soient unifiés en 1961, les anglophones accusent toujours la majorité francophone de la discrimination et de la supériorité. C'est, on peut dire que c'est un peu comme le Québec et le Canada, mais au reverse. Alors, les nouvelles tristes sont de la France encore aujourd'hui, malheureusement. Nous apprenons que deux jeunes femmes ont été poignardées à mort dans la gare principale de Marseille dans une attaque terroriste. Les soldats en garde à la gare ont abattu l'attaquant, que la police a décrit comme d'origine nord-africaine et âgé d'environ 30 ans. Des témoins ont dit qu'il criait « Allah Akbar » avant de commettre l'attaque. Et Daesh a déclaré que l'attaquant était l'un de leurs soldats. Le président français Emmanuel Macron a déclaré que qu'il a été dégoûté par l'acte barbare dans ses mots et a rendu hommage aux soldats et aux policiers qui ont répondu. Et le ministère d'Intérieur français Gérard Collomb a déclaré que l'attaquant avait fui le premier meurtre mais est revenu à nouveau. Donc c'est une attaque assez similaire de celle qui a passé au Canada samedi, quand un réfugié somali a poigné à mort un policier qui contrôle la circulation à Edmonton et a blessé 4 autres piétons en conduisant son véhicule dans les trottoirs. Mais nous finissons aujourd'hui sur une note plus épargnée. Le groupe rebelle le plus important de Colombie, l'Armée nationale de libération, a commencé une trêve temporaire avec les autorités pour la première fois depuis plus de 50 ans. La trêve a commencé hier et devrait s'attendre jusqu'à la mi-janvier. Le président colombien Juan Manuel Santos dit qu'il espère que cela survivre la première étape à la paix avec le groupe. Il résulte encore de paix historique entre les autorités et le groupe rebelle FARC, qui était beaucoup plus important l'année dernière, qui a mis un fin à 5 décennies de conflit. Et cette négociation temporaire est considérée comme la mesure la plus importante depuis que les pourparlers de paix entre les deux parties ont débuté en Équateur en février. Et le prochain round de discussion aura lieu dans la capitale équatorienne de Quito le 23 octobre. Mais juste pour finir, je vais revenir au catalan parce que c'est une situation en constante évolution. Et le média espagnol a rapporté cette heure qu'environ 850 manifestants ont été blessés dans la violence hier, ce qui a mené de nombreuses personnes en Espagne et dans les autres pays à demander que le Premier ministre Mariano Rajoy doive démissionner immédiatement pour permettre un nouvel référendum qui est constitutionnellement valable, qui est légal. Ce ne se terminerait pas probablement dans le même chiffre de victoire pour les séparatistes, mais nous pouvons encore voir une victoire séparatiste. Alors, aujourd'hui, Brussels reste très silencieux sur cette crise. Ils ont toujours soutenu la position de Mariano Rajoy et son gouvernement. Et le corps qui a dit que le référendum était inconstitutionnel. Mais après le violent choquant d'hier, on se demande si le contenu allait soutenir en futur. Voilà donc pour Le Monde ce matin. Beaucoup de sujets qu'on a abordés ce matin. Évidemment, c'est des sujets un petit peu complexes à expliquer en quelques secondes. Mais on a parlé, entre autres, du référendum en Catalogne. On a parlé des soldats au Cameroun. On a parlé de la nouvelle triste en France avec une attaque terroriste à Marseille. On a parlé de ce qui s'est passé un petit peu au Canada aussi par la bande. On est allé à l'Armée nationale de libération en Colombie, qui a commencé un cessez-le-feu temporaire. Toutes ces nouvelles-là vont se retrouver sur les notes de l'émission sur assemblagerequis.com pour ceux qui veulent suivre avec nous. Ça s'est passé vite. C'est du français qui commence à parler. Exactement. Français. Donc, Axel Brett, what field do you study in? Ici, j'étudie le français comme langue étrangère à l'École internationale de français. Tu vois? Et oui. Voilà, c'est une collaboration avec l'École internationale de français. C'est un baptême de feu pour moi de voilà. faire ça sur la radio. Et c'est parfait. Ça s'est très bien fait. Ça va aller de mieux en mieux. À chaque deux semaines, exactement. On va se voir les lundis à 8h. Alexander Brett, merci beaucoup. Merci. Bonne journée à toi. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, bien sûr. On va retourner en musique quelques instants, l'entendre du français. Oui. Parce que Caroline. Parce qu'on est déjà là. On est déjà là, absolument. Et on est dans la thématique. On va rendre hommage à tout ce qui s'est passé de violent en ce moment. Là, mm-hmm. En faisant un lien très, très douteux avec un coup d'épée de corridor tout de suite à Assemblage Requis. Terrible, Mathieu. Terrible. Thank you. corridor. Ouh. Avec coup d'épée. Oui. Selon le mauvais jeu de mots de Mathieu ce matin. Ah, oh, ben non, mais ça passe bien. C'est ma première émission. Donc, oui, ben oui, toi aussi. On salue Alexander Brad qui est venu nous faire une petite chronique sur les nouvelles du monde. C'est vraiment un essai, là, c'est un test. C'était sa première fois. Super stressé, mais ça a vraiment bien été. Oui, tout à fait. Il faut comprendre que c'est un étudiant étranger. Oui. Il vient de la Grande-Bretagne. Mm-hmm. Et puis. Il connaît très bien le français à l'écrit, mais à l'oral, il n'a pas encore eu l'occasion de parler beaucoup. Donc c'est un petit peu la raison du pourquoi on a fait cette collaboration aussi. C'est pour que son immersion se passe bien et qu'il puisse avoir beaucoup plus d'expérience. Ça commence très bien. Vous allez le voir aux deux semaines. Vous allez voir son évolution à travers notre émission ici même à Assemblage Requis. Donc Alexander Brett, qui étudie en français comme langue seconde. Oui, exact. Voilà. Donc, maintenant, c'est à ton tour, Tania. Oui. Toi qui parles français, mais avec une petite cassure. Oui, juste un peu. C'est ça. C'est Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain you. She's gonna dream. Tania. Oui, bon matin. Bonjour à toi. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Toi, ça va moyen. Très bien, merci. Oui, ça va bien, malgré tout. Je tiens à m'excuser si durant ma chronique, vous allez entendre des moments où il n'y aura plus de voix. Ça peut arriver. Ça se peut que ça arrive, OK? je suis désolée. C'est comme ça que ça se passe. On t'accepte là-dedans, Tania. Donc, aujourd'hui, on parle des problèmes des Québécois. Oui. Les femmes. Oui. Et les jeunes. Eh bien, oui, parce que je veux pas vous parler d'alcoolisme ce matin. Au contraire, je vais essayer, du moins, avec toutes les ressources que j'ai eues et toutes les recherches que j'ai faites, à vous démystifier la différence un petit peu entre l'alcoolisme et la consommation excessive d'alcool, ce qui ressort de plus en plus chez les jeunes. Ça a l'air pareil, mais c'est pas chez pareil. Les femmes, mm-hmm. Et chez les Québécois. Ah. C'est, comme tu viens de le dire, ça semble pareil, mais c'est pas du tout pareil parce que, bon, évidemment, l'alcoolisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est un problème où les gens ont besoin d'alcool dans leur système pour pouvoir fonctionner normalement. Donc, c'est-à-dire que la plupart du temps, on peut se retrouver avec des tremblements s'il nous manque d'alcool. Ça peut nous prendre, par exemple, un bon petit verre de vin pour se réveiller, pour être certain que notre journée va bien aller. On les reconnaît par leur nez rouge, souvent. La plupart du temps. Oui, ça peut arriver comme ça. C'est les termes typiques, en fait, de l'alcoolisme. Tandis que ce qui ressort de plus en plus chez la jeune génération, chez les jeunes, chez les femmes... La génération. Et surtout chez les Québécois, eh bien, c'est la consommation, mais qui devient problématique d'alcool. Et là, justement, quand je parle de consommation problématique, on peut prendre différentes formes pour y arriver. En pratique, par exemple, on peut y aller avec la consommation excessive, comme je le disais tout à l'heure. Avec la consommation problématique ou l'abus d'alcool, le binge drinking, je vais y revenir parce que pour certains, ça peut sonner une cloche sans trop savoir ce que c'est exactement. Ou la dépendance à l'alcool et l'alcoolisme. Donc, évidemment, l'alcoolisme rentre dans une consommation qui est très problématique. Mais sinon, les trois autres, on a tendance à les oublier parce que ça semble passer à un peu inaperçu. La plupart du temps, si on n'est pas trop si on n'a pas trop une tendance alcoolique, on va tout simplement dire qu'on est normaux. Et c'est un petit peu ce qui sonne la cloche d'alarme chez Éduc'alcool présentement, et surtout Éduc'alcool envers les jeunes, parce que bon, on veut évidemment essayer à ne pas trop avoir de problématiques de ce côté-là, mais c'est quelque chose qui ressort de plus en plus. Et là, tout à l'heure, je disais que ça ressort beaucoup chez les Québécois. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas le seul peuple à faire ça. Ça joue aussi beaucoup du côté de la Grande-Bretagne, entre autres aussi. Mais la consommation excessive d'alcool, c'est, bon, évidemment, vous allez boire beaucoup plus que ce qui est raisonnable pour votre santé. C'est un comportement qui va être parfois lié à certaines circonstances ou encore certains problèmes, mais c'est pas nécessairement tout le temps le cas. Donc, souvent, une consommation excessive d'alcool va disparaître d'elle-même parce que, bon, par exemple, vous allez vouloir faire autre chose ou vous allez tout simplement vous sentir désagréable par rapport à vous-même. Et c'est une consommation excessive d'alcool qui persiste. Bien, vous allez courir le risque de connaître, par exemple, tôt ou tard, des problèmes au niveau physique, au niveau psychique aussi, ou social. Donc, c'est impossible de prédire la gravité de ces problèmes-là ou encore le moment de leur apparition. Mais on a commencé à réaliser au niveau d'Éducalcool, comme je vous le disais pour le Québec plus précisément, que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Donc, la consommation excessive d'alcool peut être aussi très limitée ou ça peut se produire qu'une seule fois, mais dans des circonstances qui vont être totalement inadapté. Ouais. On appelle ça souvent la consommation situationnelle à risque. Donc, c'est-à-dire qu'on choisit notre situation pour être à risque. L'exemple le plus évident, c'est la reprise du volant en état d'ivresse. C'est quelque chose qui se voit de plus en plus chez les jeunes, qui se voit de plus en plus aussi chez les Québécois surtout. Donc, on se dit qu'on est correct pour conduire sans nécessairement avoir eu l'occasion de réfléchir à ce qu'on a déjà tout consommé au niveau de la soirée à laquelle on est, par exemple. Ah, c'est un éternuement, ça! As-tu vu à quel point ça a fait ça de façon... subtile, ouais. Oui, exactement. Donc, personne ne s'est rendu compte que j'ai achumé dans mon micro. Pas en fait. À moins que je le dise. Par la suite, il y a la consommation problématique ou l'abus d'alcool. L'abus d'alcool, t'as bien entendu. L'abus d'alcool. Ah. Donc, c'est une consommation excessive, comme vous le savez, mais qui peut évoluer. Donc, on va évoluer en consommation problématique. Ça veut dire que les problèmes vont commencer à apparaître du côté physique, psychique et sociaux et ils vont être clairement perceptibles. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, je disais que la consommation excessive, on va avoir de la difficulté à savoir quels vont être les problèmes à ce moment-là. C'est vraiment, la plupart du temps, tu sais, quand on dit qu'on est un buveur social, ouais, c'est ça. Bien, la consommation excessive, ça peut rentrer dans la consommation sociale. Tandis qu'une consommation ou un abus d'alcool, tu le sais et tu le ressens. C'est vraiment à ce moment-là qu'on va essayer de s'empêcher de continuer à boire ou, au contraire, on s'empêchera pas de continuer à boire malgré le fait qu'on réalise que là, on commence à être pompette un peu. Donc, on décrit parfois la consommation problématique d'alcool comme une consommation qui est en réaction à des problèmes. Donc, par exemple... Si vous regardez la consommation d'alcool dans un cas pour but, par exemple, d'échapper à des problèmes ou d'échapper à un stress, d'échapper à des tensions, eh bien, c'est un comportement qui peut être provisoire ou qui peut évoluer d'un certain mode fixe. Donc, la personne va avoir recours sans cesse à l'alcool comme stratégie de résolution. Comme béquille. Exactement, comme automédication. En fait, si vous êtes dans une situation où vous n'aimez pas la situation, et la plupart du temps, votre réflexe premier va être de dire « Oh, ça me prend un verre! Ouais. Je prendrais bien un verre après une journée comme celle-là. » Ça commence par « Ah, tu sais, on est vendredi. » Après ça, c'est « Ah, c'est jeudi, c'est parce que vendredi. Exactement. Ah, c'est le début de la semaine, lundi. Ah, c'est le milieu de la semaine. » Tout à fait. Donc, ça peut donner naissance, en fait, à un cercle vicieux et la consommation d'alcool, qui est un abus d'alcool, va créer des problèmes qui vont vous pousser à boire encore plus. Tout à l'heure, je vous disais que c'est là qu'on va voir aussi apparaître les problèmes physiques. Vous allez avoir, par exemple... pas mal plus mal au corps le lendemain. Souvent, ça va venir aussi avec l'âge. Donc, du moment que vous allez atteindre la mi-vingtaine, vous allez ressentir justement ces problèmes physiques-là que vous avez depuis un certain temps selon votre abus d'alcool. C'est une attitude qui peut s'aggraver à un point tel où vous allez avoir besoin d'alcool dans presque toutes les situations de votre vie quotidienne pour pouvoir fonctionner. C'est vraiment cet abus d'alcool-là qui peut vous amener à l'alcoolisme. Donc, au Québec, par exemple, au niveau des ducalcools, c'est à ce moment-là, et même un petit peu avant, qu'on va essayer de prévenir les jeunes, surtout, pour justement arriver à ce que ça ne devienne pas un alcoolisme. Tout à l'heure, je vous parlais du binge drinking. Ouais, ça, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, c'est des trucs universitaires où tu bois beaucoup trop bien, en un court laps de temps? T'as bien raison, Mathieu, c'est exactement ça. La plupart du temps, on va le voir à l'université ou dans les collèges. Ça consiste en fait à boire occasionnellement. Donc, on boit pas tout le temps, mais à l'occasion, on va boire une quantité massive d'alcool et généralement, ça va se faire en peu de temps. Donc, par exemple, pour les hommes, bien, on va boire jusqu'à 6 verres en 2 heures. Pour les femmes, on peut aller jusqu'à 5 verres dans un même laps de temps. Binge, en vice, ça signifie beuverie en anglais. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est de boire de l'alcool en termes de beuverie. C'est un modèle typique. Par exemple, vous allez voir les gens qui vont un petit peu souffrir de binge drinking. C'est, ils vont rien boire ou ils vont boire de façon modérément pendant la semaine, puis ils vont boire de façon massive ou on pourrait appeler ça comme gloutonnement ben ouais. Pendant le week-end. Donc, la plupart du temps, un binge drinker, ça va se qualifier comme ça. On boira pas ou on va boire presque pas durant la semaine. Et la fin de semaine, c'est là que ça se passe. Damn. On y va de façon massive. Il y a d'autres formes aussi de binge drinking qui se présentent tous les jours. Donc, si vous buvez rien pendant la journée, mais vous allez ouvrir les vannes là, le soir, vous allez vous ouvrir une caisse de 12 ou une caisse de 6 et vous allez passer au travers de ça. Mais faites attention parce que, évidemment, ça se qualifie en tant que binge drinker. Donc, le binge drinking, ça peut se transformer aussi progressivement en dépendance et surtout en abus d'alcool. Les week-ends vont devenir des week-ends qui vont être prolongés et ça va inclure finalement la semaine entière où la prise d'alcool va commencer de plus en plus tôt le soir. Votre fin de semaine, elle ne commencera plus le vendredi à 9h. Elle va commencer le vendredi à 15h. Le jeudi après-midi, sinon. T'sais. Exactement. Hein? Donc, il y a des effets à tout ça, surtout du côté du binge drinking. Donc, par exemple, la faculté de penser et le sens critique vont diminuer beaucoup plus rapidement pendant la consommation d'alcool parce qu'on s'inflige un bon nombre de verres en peu de temps. Il y a un risque accru aussi de blackout, d'intoxication à l'alcool. Donc, il faut faire attention encore une fois de ce côté-là. Il y a un risque accru aussi des comportements qui vont être impulsifs. Donc, par exemple, les bagarres, les conduites en état d'ivresse. Le manque de respect envers ses amis, c'est quelque chose qui peut massivement ressortir du binge drinking. L'augmentation rapide de la tension artérielle, tu sais quand vous avez avoir l'impression que votre cœur veut vous sortir du chest, bien c'est un petit peu un effet du binge drinking. Et il y a un risque accru aussi des dommages aigus à certains organes, comme par exemple le cœur, le cerveau, les reins. Il y a aussi la vésicule biliaire à tout ça. Donc, par exemple, les binge drinkers sont exposés à un risque d'infarctus, attention, 5 à 6 fois plus élevé que quelqu'un qui va boire de façon normale, c'est-à-dire un verre, deux verres, une fois de temps en temps. Le binge drinking chez les jeunes, c'est ce qui ressort le plus souvent. On va moins voir le binge drinking chez les gens qui sont âgés de 30 ans et plus. C'est vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, dans les collèges, les facultés, les universités. C'est souvent là qu'on va voir justement les concours aussi de boire le plus rapidement possible. Donc, ça se présente souvent dans le contexte d'un pre-drinking. On va faire ça chez quelqu'un. On va boire avant de sortir. Ouais, c'est moins cher. Ben c'est moins cher pour pas avoir à payer au bar un petit peu plus tard. Donc, avant même d'entamer notre sortie ou notre veillée, comme on le dit souvent, bien, vous allez commencer à boire chez quelqu'un. On va y voir aussi une manière pragmatique de compenser l'augmentation des boissons, le prix surtout, dans les cafés ou dans les bars. Et c'est comme ça que ça va devenir problématique. Le binge drinking, ça peut être extrêmement nocif chez les jeunes parce qu'on n'a pas tendance à penser qu'un jeune peut faire un infractus à l'âge de 23 ans. Mais c'est quelque chose qui est possible, surtout si vous faites ça à toutes les fins de semaine. Surtout si vous courez après. Surtout si vous courez après. Ouais. Donc, c'est particulièrement le cas qui fait un petit peu effrayer tout le monde chez Ducalga, à alcool. Et il s'agit aussi de boire jusqu'au coma pour certains. Donc, il faut faire attention parce qu'on s'en rend pas tout en compte. Un petit peu plus tôt cet été, pour être plus précise, en juillet dernier, eh bien, Éducalcool disait qu'il y a moins d'excès, mais il y a beaucoup plus de contrôle qui doit se faire faire. Donc, on a une mission, évidemment, chez Éducalcool qui est d'informer les Québécois en matière de consommation, que ce soit d'alcool ou d'autres dépendances. Okay. Mais on se penche surtout sur la question de l'alcool. Et Éducalcool a rendu public un petit peu plus tôt cet été un rapport qui a été réalisé par une firme. Et le rapport mettait à jour, justement, les données qui avaient été recueillies en 2015 sur les consommations d'alcool dans les différentes régions de la province. On y a appris que la Mauricie se distinguait du reste du Québec par un taux moins élevé de consommateurs excessifs d'alcool. Ah. Donc, on se dit que c'est bon. Oui. D'après moi, c'est parce qu'ils ne viennent pas voir à l'intérieur des murs de l'université, mais il y a des forces policières de la région qui exercent également une grande surveillance en matière de facultés affaiblies. On a plus de barrages ici qu'on peut en avoir, par exemple, à Montréal, apparemment. Donc, c'est ce qui fait en sorte que la Mauricie se distingue à ce niveau-là. Ça ne me surprend qu'il n'y ait pas de corrélation inversée entre le taux de chômage en Mauricie et le taux terme de... C'est drôle quand même. Hein? Ouais. Mais c'est un rapport qui a été intitulé « Les Région du Québec et l'alcool » et Éducalcool décrit les habitudes de consommation dans les différentes régions du Québec, comme je le disais. Et le bilan de la Mauricie, bien, c'est similaire, en fait, en de nombreux points à celui du reste du Québec. Donc, il y a certaines particularités qui retiennent l'attention. Évidemment, comme tu le disais, on a une civilisation qui est beaucoup plus âgée. Donc, c'est certain que si on va comparer les jeunes de Montréal aux jeunes de la Mauricie, ça se peut que nos chiffres, déjà en partant, soient à la baisse, considérant le fait qu'on a moins de jeunes. Donc, le premier fait saillant est à propos de la région qui concerne la consommation excessive d'alcool et qui correspond ici à 5 verres ou plus par occasion de boire. En fait, ça équivaut à 39 % des Mauriciens qui ont consommé de l'alcool de façon excessive au moins une fois au cours de la dernière année, comparé à 44 % pour l'ensemble du reste du Québec. Donc, on se dit qu'on n'est pas si pire que ça, mais c'est quand même 39 %. C'est un chiffre qui est quand même assez élevé si on regarde ça comme ça. Et le taux de consommation excessive d'alcool est relativement bas, par exemple, au nombre de consommateurs d'alcool qui a augmenté en Mauricie. On est passé de 74 % de la population en 2015, parce que là, je vous rappelle qu'on vérifiait les chiffres de 2015, et on est passé à 82 % en 2017. Mm-hmm. Donc, juste le rapport qui a été sorti un petit peu plus tôt cet été, qui était les chiffres de 2015. Ici, en 2017, on voit une augmentation. Donc, il faut faire attention parce que la moyenne québécoise se situe à 83 % et on est déjà à 82 % juste en Mauricie. Ouais. Là, c'est encore ceux qui ont bu à excès une fois dans l'année qui vient exactement. Les 365 derniers jours. Ouais. En même temps, une fois par année, là, ça devient pas abusif. Non, en effet. Ouais. On a remarqué aussi les tendances à la conduite automobile pour les Mauriciens. Donc, il y a un fait saillant qui est ressorti de cette étude-là, en fait, qui est en partie du rapport, qui est la proportion élevée de barrages routiers qui est mis en place justement en Mauricie versus le reste de la province. Donc, 36 % des Mauriciens sont interrogés, qui ont été interrogés pour cette étude-là, qui ont affirmé avoir vu un barrage routier au cours de la dernière année. Ouais. Tout le monde a vu au moins un barrage. Oui. Depuis un an. Tout à fait. Ouais. Donc, ça constitue en fait une baisse, évidemment, parce que les gens sont portés à moins prendre leur voiture. On parle de 46 % en 2015. C'est un chiffre qui demeure nettement plus élevé que la moyenne québécoise. On parle de 29 % pour le reste du Québec. Donc, 46 % en termes de barrage, c'est excellent pour une province, pour une région comme la nôtre. Donc, à ce chapitre-ci, les régions ont aperçu qu'il y avait une augmentation un petit peu plus ailleurs dans les autres régions, justement à cause que la Mauricie mettait en phase beaucoup plus de barrages pour justement avoir un petit peu plus d'éducation à ce niveau-là chez les jeunes. Alors, les autres régions ont regardé la Mauricie et on s'est dit on va commencer à mettre beaucoup plus de barrages, nous aussi. C'est une chose qui est bien. Il y a 34 % des Mauriciens qui ont déclaré aussi avoir été contrôlés par un barrage routier. Donc, on a comparé à 24 % pour le reste de la province. Donc, juste le fait d'être contrôlé, ça ne veut pas dire que tu le pètes, le barrage routier. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'a demandé si vous aviez consommé de l'alcool dans cette soirée-là. Et bon, tout dépendant de votre réponse, là, vous avez peut-être été intercepté ou non. Mais juste le fait que le chiffre est plus élevé, ça fait en sorte qu'on a une conscience qui est plus grande en Mauricie que pour la plupart du reste des régions de la province du Québec. C'est bien. Ça, ça se passait en juillet. Eh bien, en septembre, donc ce mois-ci, bien, le dernier mois, le 27 septembre, il y a une étude qui est sortie sur les Québécois qui déclare qu'on est des buveurs excessifs. Hey, c'est bon à savoir. Il n'y a pas un gros nombre de mois là, qui sépare les deux études. C'est un petit peu inquiétant, en fait, de voir la consommation abusive d'alcool chez les Québécois présentement. Donc, ça s'est passé du côté d'Ottawa. Les Québécois sont de plus en plus nombreux à abuser de l'alcool. Ce sont des nouvelles données qui ont été dévoilées par Statistique Canada en septembre. Au total, on parle de pas moins de 22,2 % des citoyens du Québec qui disent consommer de l'alcool de façon abusive. Et bien évidemment, l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes qui a été produite par Statistique Canada a un petit peu alarmé là, et du calcul et tout ça. Donc la consommation d'alcool des Québécois s'est hissée quasiment au sommet du palmarès des provinces canadiennes avec ces chiffres-là. Par exemple, si on regarde les résidents de Terre-Neuve et du Labrador, eh bien, ils sont beaucoup plus nombreux à déclarer boire en excès régulièrement. Mais l'abus d'alcool, c'est pas quelque chose qui est régulier, c'est quelque chose qui va se faire, par exemple, comme on le disait tout à l'heure, seulement la fin de semaine. C'est ça, c'est tu bois pas nécessairement tout le temps, mais quand tu bois en maudit. C'est ça, c'est exactement ça. Et ce qu'on se rend compte un petit peu partout, à travers le monde et non seulement à travers la province du Québec, c'est qu'il y a un excès d'alcool chez les jeunes filles. Hein? Et on pourrait déclarer ça comme étant la nouvelle crise d'adolescence. Ben voyons. Donc ça effraie un petit peu les gens à travers la planète. Pour se rebeller, quoi. Bien, c'est un fait, en fait. Les adolescentes boivent de plus en plus. Je sais pas si c'est le fait qu'on veut être égal aux hommes. Hein? Ça s'est vu aussi. Ben, tu me diras pas combien de verres boire si toi, t'es capable d'en boire 5. Montrer que je suis capable d'en boire 5 aussi. En pesant 90 livres et 4 pions. Exactement, on prend pas nécessairement en considération tout ça. Donc, il y a une étude de la Florida Atlantic University qui a été sortie et qui a pointé du doigt surtout la responsabilité des parents qui lie l'accès à l'alcool pour les jeunes, mais aussi l'excès au manque d'encadrement. Apparemment que ça serait surtout du côté de l'Europe, un manque d'encadrement des parents face aux jeunes filles qui se fait. C'est une ivresse qui est excessive et qui est avant tout un signe de détresse. Donc, les jeunes filles, au lieu de parler à leurs amis, maintenant, du côté de l'Europe, on aurait tendance à tout simplement prendre une vodka dans le bar de nos parents et se dire que, bon, c'est comme ça que je vais résoudre mes problèmes. Mm-hmm. Donc, c'est... Si ses parents le font, hein? Eh bien, exactement. ça fait en sorte que ça fait des ravages de l'alcool chez les jeunes filles. Et surtout, c'est qu'on se rend pas compte que rendu à 18 ans, une jeune fille peut déjà avoir un problème de consommation excessive d'alcool. Ouais. Tandis que la plupart du temps, lorsqu'on était plus jeune, en tout cas moi, à 14 ans, j'avais pas une consommation excessive d'alcool. Juste correct. J'avais des parents qui me surveillaient. Ah. C'était la grande différence. En fait, on parle de surconsommation très, très jeune du côté de l'Europe. Ça fait un petit peu alarmer aussi le reste de la planète parce qu'on se rend compte que, bon, évidemment, avec Internet aujourd'hui, pas mal tout est mis sur les réseaux sociaux et tout ça. On voit de plus en plus des jeunes se rebeller justement avec comme succès l'alcool. Donc, c'est qu'il y a un problème et même une souffrance et la surveillance des parents suffit plus à résoudre ce problème-là. Donc, quoi qu'en dise l'étude de la Florida Atlantic University qui a été publiée un petit peu plus tôt cette année, eh bien, pour les chercheurs à l'origine de cette étude-là, la surconsommation d'alcool chez les filles pourrait s'expliquer scientifiquement. Plus les jeunes filles ont leurs règles tôt, plus elles seraient susceptibles d'avoir des problèmes liés à l'alcool pendant leur adolescence. Wow. Les règles, en fait, c'est considéré comme un signe de maturité. Donc, les parents seraient aurait tendance à relâcher les surveillances chez les jeunes filles qui ont leurs règles beaucoup plus tôt. Si le facteur hormonal a déjà été étudié chez les personnes qui souffrent justement de dépendance à l'alcool, il n'y a rien qui a été prouvé. Mais pour les chercheurs de cette étude-là, les règles, ils sont pas pour rien. Parce que l'abus d'alcool, c'est un mal moderne. La plupart des jeunes vont en souffrir. C'est quelque chose aussi qui peut être héréditaire, donc il faut faire attention à ce moment-là. Et ça relève l'angoisse chez les jeunes. Et Dieu sait qu'en 2017, les jeunes ont beaucoup d'angoisse. Ouais, c'est donc, le TDAH. Écoute, je voulais pas y aller jusque-là, mais ça ressemble à ça. La médication pour l'alcool, hein, on s'en rappelle. Ben, les gens ont plus tendance à penser à ça. Ouais. C'est un fait. Bah. Il faut faire attention et on a de plus en plus de jeunes qui vont être médicamentés. Donc, il faut faire attention à la consommation d'alcool parce que souvent, on ne regardera pas sur la petite bouteille, mais c'est marqué ne pas consommer avec de l'alcool. Faites attention aussi les machineries lourdes. Hein? Oui, tout à fait. Il faut faire attention. Donc, il y a des effets de consommation abusive d'alcool qui sont qui passent plus ou moins inaperçus, mais justement qui lèvent un fly chez du calcul. On se rend compte qu'on doit faire de plus en plus attention et qu'on doit faire attention à la dépendance, mais surtout sur les effets de la consommation abusive, parce qu'on ne voit plus nécessairement de l'alcoolisme comme on en voyait. Chez les autres générations, on voyait de l'alcoolisme comme justement le fait de devoir prendre un verre à chaque jour. Ouais, tout une bouteille à la main ou une coupe de vin. Ça l'a changé tout ça, parce que les gens se sont dit avec les années, bien, je vais faire attention à ma consommation d'alcool, j'en prendrai pas pendant la semaine, j'en prends juste la fin de semaine. Check la fin de semaine aller, par exemple. Eh bien, c'est ça qui arrive présentement, c'est de la consommation abusive, c'est de la consommation qui va être à excès. Et ça devient quasiment plus fatal pour les jeunes parce qu'on se rend pas compte que en un peu de temps, on va avoir une grande consommation d'alcool. La saturation. Là. Exactement. Donc, il faut savoir bien décider notre consommation. Il faut savoir aussi gérer notre limite d'alcool. Et il faut pas oublier aussi que l'alcool, c'est un irritant pour le tube digestif et pour la plupart des autres organes qui sont dans notre corps. Donc, la bouche, la gorge, l'œsophage, l'estomac, on parle aussi d'intestin. Bref, notre tuyauterie intérieure. Plus l'alcool va affecter les conduits qui contrôlent le transit de la nourriture, de la bouche, de l'intestin et tout ça, et plus vous allez avoir des problèmes physiques. Donc, l'alcool, c'est un aliment et le foie est responsable de sa digestion. Il faut prendre aussi en considération que le foie, c'est une petite usine. Elle est petite, OK? Si on l'engorge, ça va faire des problèmes. Donc, c'est une usine qui va être capable de décomposer généralement 15 grammes d'alcool pur à l'heure. Ça, c'est environ une bouteille de bière à 5 % à l'heure. C'est pas beaucoup. C'est pas 7 en 30 minutes. C'est là qu'il faut faire attention. C'est la vitesse à laquelle les jeunes boivent. C'est drôle parce que j'avais une conversation avec ma mère récemment sur le fait que sa génération, bien, ils étaient capables de boire. Il n'y avait pas trop d'excès qui se faisaient, mais ils avaient un verre pour la soirée ou maximum 3 verres pour la soirée. C'était rare que les gens buvaient à excès à moins de justement avoir un problème de consommation, chose qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que justement le binge drinking nous a amené à se dire, ben non, mais je sortirai pas un 60$ à soir, ça va me coûter 60$ boire 3 verres. Je vais boire chez moi en peu de temps et par la suite, je vais me rendre au bar. Et c'est pas parce que tu t'amènes peu d'argent au bar que les autres vont pas te payer les drinks. T'sais. Ben non, exactement. Tu sais, c'est il faut faire attention à ça parce que souvent aussi, lorsqu'on va arriver au moment où on va sortir dans le bar, ben on va notre jugement va être pas mal plus c'est flou. C'est ça. Surtout si vous avez déjà bu avant de vous rendre au bar, ouais. Exactement. Ouais. Et c'est ce qui m'amène à vous parler d'une activité qui ressemble un petit peu au mois de février. Hein? Vous vous rappelez le mois de février qui est en lien avec une fondation justement pour éduc'alcool. C'est le mois sans alcool, je crois. Le mois sans alcool. Eh bien, je vous apporte l'Oxobre. Ah, tu vois, il y a un jeu de mots. Ben oui, déjà, je le préfère, celle-là. Tout à fait. Et là, on se dit, c'est quoi ça, Oxobre? Le véritable nom, bien, c'est justement ça, Oxobre. On vous entend dire, en fait, ben, c'est quoi ça? Ça me dit quelque chose? Mais semble que j'ai déjà entendu ça. Effectivement, il y a plusieurs affiches sur les panneaux d'autoroute de plus en plus qui annoncent ce fameux défi. C'est un défi. Premièrement, ça se déroule pendant tout le mois d'octobre, donc un 31 jours ferme et dur et non pas comme le mois de février. Oui, où c'était 28 exactement. Jours. Et l'Oxobre, ça propose de prendre une pause de différentes choses, qui sont dans les dépendances. Donc, vous pouvez parler d'alcool, on peut parler de drogue, on peut parler de toxicomanie ou les consommations de la société aussi. Par exemple, les réseaux sociaux. Les jeux vidéo, votre cellulaire. Vous allez vous inscrire à ce défi-là et c'est vous qui allez décider si vous prenez une pause d'un élément ou de plusieurs éléments. Sachez en fait qu'il vaut mieux en réussir un qu'en échouer trois. C'est bon point. C'est la base. Et l'Oxobre, bien, ça appuie un organisme, évidemment, ça appuie le Centre pour adolescents, le Grand Chemin de Montréal, Québec et Saint-Célestin. Donc, la mission des centres, c'est d'offrir des services qui sont gratuits aux adolescents qui vivent avec une problématique de dépendance. Je le disais tout à l'heure, le problème de consommation devient de plus en plus jeune. Alors, on veut justement offrir des services qui vont être gratuits aux adolescents qui vivent avec un problème comme ça. Et en tant que participants, bien, vous allez vous engager à réussir le défi, à faire un don de 20$ minimum pour l'organisme. Et si vous amassez plus de 20$, bien, voici ce que vous allez pouvoir offrir à ces adolescents-là. Une bouteille de vin! À ces adolescents qui fréquentent les centres, eh bien, si on parle de 25$, votre don va permettre à un jeune de profiter d'une activité sportive ou encore d'une sortie culturelle dans le cadre de son traitement qui est interne. Donc, par exemple, on va pouvoir participer à une course de bateau-dragon. Mm-hmm. On va pouvoir aller faire de l'escalade. Ils vont pouvoir aller visiter un musée. Si on y va avec un 50$, bien, votre don va servir à défrayer les coûts d'une demi-journée du traitement en interne pour un adolescent qui se retrouve avec des problèmes de consommation. Et si on parle d'un 100$, bien là, wow! Déjà en partant, félicitations, merci beaucoup. Mm-hmm. Et votre engagement, bien, va couvrir les coûts d'une journée complète de traitement pour un jeune, une semaine de suivi en réinsertion sociale ou encore une semaine d'accompagnement à la famille. Parce que veut pas les jeunes qui se retrouvent avec des problématiques de consommation comme ça, on se rend pas tout en compte que ça affecte évidemment la famille autour d'eux parce qu'on est jeune. C'est un petit peu différent de se dire « ma mère est alcoolique » ou « mon père » ou « mon oncle est alcoolique ». Quand c'est notre fils ou notre fille, c'est un petit peu plus rough chez la famille et souvent, bien, on va avoir des frères et des sœurs qui vont être autour de nous et on se rend pas nécessairement tout le temps compte de ce que ça peut apporter à la famille. Donc, pourquoi faire le défi et comment rester motivé? Surtout, je pense que c'est la question que la plupart des gens vont se poser, même avec le défi en février. Souvent, c'est la motivation qui va être difficile pour pouvoir garder le cap. Eh bien, on a décidé de faire le défi avec peu importe ce que vous décidez. Vous allez devoir stopper votre consommation, par exemple, d'alcool pendant 31 jours. Si vous choisissez, par exemple, l'alcool au lieu d'un autre défi, bien, c'est peut-être parce que vous trouvez ça trop difficile d'arrêter. Ou peut-être que vous trouvez ça beaucoup trop facile de prendre un verre pour n'importe quelle occasion, une soirée entre amis, en préparant le souper, en revenant de travailler. Donc, c'est le genre de gens qu'on recherche, là. Ceux, justement, qui se disent « Ben, c'est pas grave, à la fin de ma journée, je vais me prendre un verre de vin, tout va bien aller, je vais être relax, je vais faire mes petites choses. » Eh bien, c'est la société qui véhicule aussi le fait que si on prend un petit verre, c'est correct. Ça se fait tellement, ça fait tellement plus de jet set et ça rend les choses tellement plus simples. Donc, comment est-ce qu'on peut s'aider à garder le cap dans ce genre de défi-là? Eh bien, premier lieu, se fixer une date du début et une date de fin à ce fameux défi-là. Si on regarde octobre, c'est pas mal le 1er au 31. Ouais. Mais là, on est rendu le 2, donc vous pouvez commencer aujourd'hui, le 2 au 31. Ça finira pas le 2 novembre? Ben, vous faites terminer une journée plus tard, oui, c'est comme vous voulez. Par la suite, il faudrait s'écrire une liste des raisons pour lesquelles vous avez décidé de faire ce défi-là. Pourquoi vous avez décidé d'arrêter de consommer, par exemple. Par la suite, planifiez votre sobriété. C'est très important. Cherchez-vous quelque chose à faire. Restez pas tout seul dans votre salon à regarder le mur puis à vous dire que le temps est long. Ça va juste vouloir vous faire consommer de plus en plus. Donc, il faut changer nos habitudes. Ça va vous aider à garder le cap. Vous allez devoir respecter les émotions qui vont surgir en vous parce que oui, pour ceux qui ont déjà fait le défi du mois de février, il va y avoir des émotions qui vont surgir en vous. La bête ressort. La bête ressort et souvent, ça ne sera pas des émotions qui sont le fun. Non. Il va peut-être y avoir un petit peu d'agressivité et un petit peu de peine. Vous n'allez pas trop savoir pourquoi, mais vous allez pleurer souvent. Ben voyons donc. Ben oui, parce que c'est une mauvaise gestion. L'alcool fait en sorte que justement, au niveau du cerveau, il va y allait avoir un dérèglement. Ah, ouais. Alors, si vous n'avez pas cette consommation d'alcool-là ou cette consommation X-là, bien, ça se peut que ce dérèglement-là, en fait, il se rétablisse. Eh ben. Donc, vous allez voir, vous allez avoir des émotions qui vont être différentes. Et il faut aussi apprendre à se récompenser à la fin de ce qu'on n'a pas consommé. Il faut être fier de ce qu'on a arrivé, de ce qu'on est arrivé à faire. Et il faut surtout aussi, pour les gens qui vont être autour de ces personnes-là qui font ce défi-là, de ne pas les juger. Ouais. De ne pas dire, par exemple... Faut aider votre ami. Exactement. Ben là, qu'est-ce que tu fais? Du bout. Mais c'est pas grave, ça. Mm. Prends juste un verre. Ah, oh, mais là, je te donne pas de verre d'eau. Je vais te donner un verre de vin. Ça aide tellement pas. Ben, ça, premièrement, ça aide pas. Et deuxièmement, je trouve que c'est tellement un manque de respect. Oui, oui, ben oui. J'ai participé à une activité la semaine dernière qui se déroulait dans un bar. OK. Et on a pris 15 minutes à me servir une bouteille d'eau. Mm-hmm. Premièrement, parce que je connaissais la personne derrière le bar. Ah, oui. Et on m'a dit, à un certain point dans cette conversation-là, moi, on est dans un bar, on sert pas d'eau, là. Et en plus, c'est que j'imagine l'eau, elle coûte pas mal moins cher que de l'alcool. Fait que, ça dépend de l'endroit où ah, vous êtes. Vrai? Il y a des endroits où votre bouteille d'eau va coûter plus cher que votre bière. Ben voyons donc. Eh bien oui. Eh ben. Donc il faut faire attention si on est autour de certaines personnes justement qui veulent arriver à faire ce changement-là ou ce défi-là. Il faut tout simplement les encourager. Et il faut pas faire le contraire, s'il vous plaît. Mm-hmm. Tu sais, il y a une conscientisation aussi à tout ça. Donc il faut tout simplement leur dire qu'on est fiers d'eux. Oui. Tout simplement. Mm. Voilà. Voilà. Pensez à Octobre. Oui, Octobre. T'as choisi d'animer le Salon des vins, en passant. Oui, non, mais j'ai pas... je sais, oui. C'est le fun? Oui, c'était un bel événement, malgré on tout. On va en reparler, j'imagine? Ouais. Probablement. Sûrement. Peut-être pas. Peut-être. Mais il y avait un merveilleux service de raccompagnement, entre autres. C'est quelque chose qui a été mis en place dans les dernières années. Mm-hmm. Chose qui n'existait pas avant parce que, bon, on s'est rendu compte que les gens aimaient de plus en plus ce rendez-vous du Salon des vins du côté de l'université pour les patriotes athlètes. Et cette année, il y avait vraiment beaucoup de gens. Donc, le service de raccompagnement s'est fait aller. Mais c'est bien. C'est comme ça qu'on va aussi prendre l'initiative de ne pas prendre sa voiture. Oui, et tolérance zéro à la chasse-galerie aussi. On les voit souvent. Ils ont leur affiche un petit peu partout dans le QTR. Merci, Tania Baudin. Ça fait plaisir. Tania is gonna entertain you tous les matins de semaine à Assemblage Requis. Étant donné qu'à chaque fois qu'on parle d'alcool dans ta chronique, c'est quand même récurrent, on met la pièce Pour Me Another. Oui. Pour varier un peu, on va dédier ça aux contraventions que d'accord. Tu peux avoir sur la route quand tu bois. Voici High Ticket Attractions, The New Pornographers à Assemblage Requis. C'est la pornographie d'un autre vice. De l'Assemblage Requis jusqu'à 10 ans. Thank you. The New Pornographers et High Ticket Attractions à Assemblage Rocky. Dans quelques minutes, on va voir Xavier McLeish pour sa conique. Ouh, que oui. Ça va être niaiseux, ça. Mais là, il s'en vient. Ça oui. devrait pas tarder. Il y a un accident devant lui. C'est ça, exactement. Il n'est pas en cause. Non, sachez-le. C'est au retour. C'est pas lui qui le fait. Assemblage Rocky. Assemblage Rocky. Et toi, aujourd'hui. Assemblage Rocky. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. 89. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui. Assemblage requis. Vous êtes toujours dans Assemblage Rocky avec Mathieu Plante. Et Tania Baudin. Oh que oui. On est lundi matin, 2 octobre. Tout le monde se réveille en même temps. Je pense que c'est pas mal l'heure. Je pense que oui. Ouais, 8h, 9h56 exactement. Je pense que la plupart des gens sont déjà au travail. Peut-être. Ça dépend. La plupart du temps. Il y en a qui sont sur la route. Oui, depuis 10 minutes dans un bouchon de circulation. C'est ce que Xavier McLeish est en train de vivre en Exactement. Ce moment. Et on ne sait pas s'il va pouvoir se rendre. Je sais pas. Il reste juste une heure à l'émission. Exact. Mais par là qu'on l'attend, c'est pas grave. On retourne à nos listes du début de l'émission. Donc voici la suite de son foutu palmarès. Jusqu'à ce que je tombe sur sa C'est donc la chronique où on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis et on continue avec, en fait, des marques de nourriture qui ont plus qu'un nom dépendant d'où vous êtes. Il y a des trucs là-dedans qui sont un petit peu américains, un ou deux, mais sinon, on va quand même comprendre et vous allez voir qu'il y a des marques qu'on connaît là-dedans. Des fois, on voyage d'une région à une autre et on remarque que le nom n'est pas le même à deux endroits, ça arrive. Donc, on va commencer avec Hellmann's, la mayonnaise Hellmann's ne s'appelle pas Hellmann's partout. Quoi? Je te jure, elle s'appelle Best Foods ailleurs. Ah oh ben, hey! Ouais. Et la seule chose qui sépare Hellmann's et Best Foods, c'est les montagnes rocheuses, les Rocky Mountains. Hellmann a débuté à New York, dans la ville de New York, au début des années 1900. Ça a été acheté par Postum Foods, qui est devenu Best Foods plus tard, en 1927. Pendant 90 ans, la compagnie, qui est maintenant une propriété de Unilever, une méga corporation, ça fait donc plus de 90 ans que la compagnie vend le même produit sous le nom de Hellmann's à l'est des Rocheuses et Best Foods à l'ouest des Rocheuses, parce que c'est ce que les gens connaissent. Tu veux pas changer ça. Ensuite, non, les crèmes glacées Dreyer's, des fois, s'appellent Eddie's. Ah! OK. Ouais, les deux crèmes glacées qui ont leur trajet jusqu'en 1928, où Joseph Eddy et William Dreyer étaient partenaires. Eddy fabriquait des bonbons et Dreyer de la crème glacée. Et ensemble, ben, ils faisaient des confections qu'il y avait comme les deux en même temps. Le nom a changé plusieurs fois à travers les années, de Eddy's Grand Ice Cream à Dreyer's Grand Ice Cream. Et maintenant, ça s'appelle Eddy's à l'Est des Rocheuses et Dreyer's à l'Ouest et dans le Texas. Ah, OK. Burger King ne s'appelle pas Burger King partout. Ah non, ça je savais pas. Il y a un endroit où ça s'appelle Hungry Jack's. Ah ouais? Ouais, Burger King donc a placé des franchises en Australie au début des années 70. Là, on parle vraiment de Burger King, mais ils ont eu un problème inattendu. Il y avait déjà un restaurant Burger King là-bas. Ooh. Qui avait une marque de commerce. Donc ils devaient trouver un nouveau nom. Et le propriétaire de la franchise australienne, Jack Cohen, a accepté d'appeler ses Burger King des Hungry Jack's. Les menus sont un petit peu différents, mais Hungry Jack's, ça a quand même le dégueulasse. Ce Whopper. Ah, phew! Hein? Chance! Il fallait pas le manquer, lui. C'est ça. On connaît tous la pizza Delicio. Si. Tu sais qu'ailleurs, elle s'appelle DiGiorno. Ah, non, je savais pas. Ah oui, c'est vrai. Donc, les Canadiens parlent de Delicio. Mais aux États-Unis, ça s'appelle DiGiorno. En fait, DiGiorno et Delicio sont tous les deux propriétés de Nestlé. Ça a la même croûte lève au four et c'est vendu avec la même campagne de marketing, mais le nom est différent. Et OK. Ouais. Ensuite, celui-là, on le connaît un petit peu moins, Vons et Safeway, donc dépendant de la région où vous habitez. Charles Van der Ha a ouvert Vons Grosseteria à LA en 1906. Il y a eu différentes fusions, différentes acquisitions, et Safeway est maintenant la compagnie parent, mais les magasins, des fois, s'appellent Vons dans le sud de la Californie. Celui-là m'a surpris quand je l'ai su il y a vraiment très très longtemps, mais depuis ce temps-là, j'arrête pas de voir ça. Les chips Lay's ne s'appellent pas Lay's partout. Je savais pas. Elles s'appellent Walkers en Grande-Bretagne. Ouais. Plusieurs noms, donc Lay's en Amérique du Nord, Walkers au Royaume-Uni et en Irlande, Sabritas au Mexique et Smith's en Australie, mais voyons. Pucca au Vietnam, etc., etc. Ça a commencé avec Herman Lay qui vendait donc des collations en 1932. Il a acheté la compagnie Barrett Food Company. Il l'a renommé H.W. Lay Lingo & Company. Plus tard, c'est devenu Lay's Lay Lingo Company, qui a fusionné avec Frito Company en 1961, ouais. Qui est devenu Frito Lay. Et ça a fusionné avec PepsiCola en 1965. C'est devenu PepsiCo. PepsiCo a acheté Walkers en 89, mais ils ont décidé de garder le nom. Wow! Toute une histoire, hein? Vraiment? Fou! Ça s'appelle Lay's ici. Je savais pas. Ouais. Restaurant de fast-food aux États-Unis, Carl's Jr., des fois s'appelle Hardee's dépendant. Ah, OK. Si vous vivez dans l'ouest des États-Unis, on appelle ça Carl's Jr. Et si on vit dans l'est, on mange chez Hardee's. Carl, qui est littéralement le nom du fondateur Carl Carter, est arrivé en premier. Les deux marques ont été achetées ensuite par la même compagnie. La compagnie parent CKI a essayé de fusionner Hardee's dans Carl's Jr. plus qu'une fois, mais les clients ont rejeté le changement de nom. Donc, CKI a accepté de garder le nom de Hardee's, et même que leur campagne publicitaire en ce moment rend hommage aux deux noms en appelant le personnage qui est comme la mascotte avec les deux noms. C'est genre, je pense que le gars s'appelle Carl Hardee's Jr., quelque chose comme ça. Okay, ouais. Bref, mais bon. Ensuite, on était rendu à parler de pain. Oui. Encore une fois, une marque qu'on connaît pas ici, mais bon, c'est trois noms pour la même marque. Ben voyons. Ouais, c'est un peu bizarre. Oro Wheat a démarré en Californie en 1932. Arnold au Connecticut en 1940 et Brown Berry dans le Wisconsin en 1946. En date de 2017, les trois sont propriétés de Bimbo Bakeries qui emballent ses pains de façon presque identique. Oro Wheat est vendu dans l'Ouest, Arnold dans l'Est et Brown Berry est toujours dans le Midwest. Mais c'est le même emballage. Je trouve que le logo qui fait le plus, c'est Oro Wheat, on dirait. Arnold est comme trop étiré puis Brown Berry trop squishé ensemble. C'est vrai. Que voulez-vous, c'est comme ça. Voilà pour les produits qui portent deux noms dépendant des endroits. On va continuer avec des faits sur les centres d'achat. Mm-hmm. Ouais, donc évidemment, la place qu'on aime visiter pour dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Clairement. Hein? Bon. Les magasins, les centres d'achat fermés sur eux-mêmes avec un toit et tout ça, là, ça fait partie du paysage depuis plus de 60 ans. Pardonnez-moi. Donc, l'auteur Matthew Newton nous parle dans son livre Bloomsbury's Object Lessons, donc de l'historique des centres d'achat, de leur naissance dans les années 50, à l'époque moderne. Maintenant, il a sorti Shopping Mall, et puis c'est sur Amazon qu'on peut se le procurer, donc voici quelques petits faits là-dessus. Pour commencer, le premier centre d'achat était inspiré par les marchés européens. Ah, OK. Architecte visionnaire Victor Gruen, qui a créé le design du premier centre d'achat à Edina dans Minnesota en 1952. Il a regardé sa ville de Vienne, sa ville natale, pour s'inspirer un petit peu. Selon le livre Shopping Mall, Southdale Center était le premier exemple aux États-Unis d'un grand centre d'achat intérieur avec presque 75 boutiques sur deux étages. Et au centre de tout ça, il y avait un truc de restaurant, une plaza de restaurant, si on veut, avec fontaines, des petits poissons, des sculptures, des plantes, etc., etc. Donc, ça a vendu Southdale comme endroit non seulement pour magasiner, mais aussi pour relaxer, pour faire du social. Donc, l'idée d'un centre d'achat comme endroit social a gagné en popularité lorsque son design a été utilisé comme modèle pour plusieurs centres d'achat aux États-Unis. Et on peut regarder une vidéo de l'ouverture de Southdale donc sur YouTube, évidemment, sur les notes de l'émission, sur assemblagerequis.com. Ensuite, l'architecte célèbre Frank Lloyd Wright a détesté le premier centre d'achat. Ah ouais? Ouais, donc Southdale avait de bonnes critiques quand même à son ouverture en octobre 1956, mais un critique assez important s'est fait entendre après avoir visité le site en novembre 1956. L'architecte célèbre Frank Lloyd Wright a exprimé qu'il n'aimait pas ça. Selon le Star Tribune, il disait un jardin qui a tous les défauts d'une rue dans un village et aucun de son charme. Oh. Qui veut s'asseoir dans un endroit aussi déplaisant? C'est donc même méchant. Ouais. Le designer, justement, du premier centre d'achat n'aimait pas tellement sa création, tellement bon, qu'il l'a renié. Ouais. Ça va bien. Victor Gruen, qui a vécu assez longtemps pour voir le centre d'achat transformer la culture américaine à la fin des années 70, et ce qu'il a vu l'a vraiment dérangé. Donc, son esprit d'innovation architecturale et la communauté qu'il avait construit à Southdale avait été vraiment comme... comment dire, nettoyé, désinfecté ou rendu un petit peu sans saveur. Mm-hmm. Plus ça a avancé dans le temps, plus les centres d'achat se sont multipliés. Donc, il dit que les développeurs ont choisi le design qui allait faire le meilleur profit. Et une fois que le centre d'achat fonctionnait, ça devenait comme une grosse machine. Ben oui, c'est sûr. Voilà. Donc, il a annoncé en 1978 qu'il reniait ses développements bâtardisés. Oh. Ensuite, le Mall of America contient un parc d'amusement, un aquarium et des simulateurs de vol. Ouh. Depuis son ouverture à Bloomington dans Minnesota en 1992, le Mall of America a le titre du plus grand centre d'achat sur Terre. Ce complexe-là comprend 530 magasins sur 4,9 millions de pieds carrés selon Shopping Mall. Et en plus des attractions qu'on a mentionnées tout à l'heure, le centre d'achat a aussi un club pour les humoristes, un musée pour les enfants, un labyrinthe rempli de miroirs et un terrain de Rien de moins. Ils ont inspiré George A. Romero, le créateur de films. Donc, les centres d'achat, évidemment, vous le savez, dans les films d'horreur, on en voit souvent. Tout le temps, hein? Que ce soit dans le très génial nom Chopping Mall en 1986, Phantom of the Mall, Eric's Revenge en 1989, ou encore Eight-Legged Freaks en 2002. Le premier réalisateur à montrer l'atmosphère épeurant d'un centre d'achat vide était l'auteur d'horreur George A. Romero. Après avoir réalisé le film classique de zombies Night of the Living Dead en 1968, Romero est donc allé au centre d'achat pour sa suite Dawn of the Dead en 1978. Il a dit à la BBC en 1997 que le choix était très intentionnel. Il trouvait ça épeurant. Ensuite, il y a un nom pour l'effet d'hypnose que les centres d'achat peuvent avoir. Ah ouais? Ouais, des fois, tu as l'impression que le temps passe devant toi, tu t'en rends pas compte. Tellement. Et la géographie où tu es situé, quand tu te promènes dans un centre d'achat, tu perds un petit peu tes points de repère. Ben c'est ça, c'est de la désorientation plaisante qu'on appelle l'effet Gruen Transfer. Oh, d'accord. Un phénomène nommé en l'honneur de son créateur, donc le créateur des centres d'achat à l'origine. Un peu comme les casinos, les centres d'achat sont placés d'une façon qui va inviter les gens à consommer sans leur offrir une façon simple de sortir. Donc Newton dit que ça va venir un petit peu empêcher ton sens de contrôle de soi-même. C'est vrai. Après avoir marché devant tes boutiques-là, t'oublies ces boutiques-là, oui, tu oublies où tu es et tu achètes plus facilement. Surtout dans un casino. Oui, c'est vrai. Tu as de la misère à retrouver la porte. Ce qui me dérange dans les centres d'achat, c'est que t'as plusieurs sorties, mais t'as une seule salle de bain. C'est tout le temps ça. Tout le temps au centre du centre d'achat, fait que t'as pas le choix de marcher devant tous les magasins. Effectivement. Mais t'achèteras pas, t'as envie. Mais non, c'est ça, exact. Je comprends pas. Mais en revenant. Où t'étais rendu, exactement. Et voilà. Ils paient très bien leur Père Noël. Oui. Dans les centres d'achat. Ça attire beaucoup de magasineurs qui, des fois, ont des enfants autour des fêtes. Les centres d'achat les paient, en fait, vraiment bien, selon Mental Floss. Être un Père Noël de centre d'achat, oui, est une position salariée. Et ceux qui s'essaient peuvent ramener quand même un chèque dans les 5 chiffres pour 6 semaines de travail. Ah ouais? Et on dit, en fait, pas certaine que ça soit ça au Québec. Oh, peut-être pas au Québec. Mais ils se méritent un diplôme de la Santa University avant de prendre le poste. Et j'ai déjà travaillé dans un... Dans un royaume du Père Noël. Raconte-nous ce que tu faisais. J'étais un lutin. Évidemment. Et je prenais des photos. Ah oui? Oui, tout à fait. Ben. Et c'est vrai, par contre, les Pères Noël sont très bien traités. Oui. Ben, tu sais, ils méritent. J'ai pas dit qu'ils traitaient bien les enfants, mais j'ai dit que les Pères Noël. Oh boy. On salue ton Père Noël associé. Ah non, on peut pas dire son nom. On peut pas dire son nom. C'était un seul? C'était Père Noël. Père Noël. Ensuite, toujours la liste des faits sur les centres d'achat. Aux États-Unis, il y a plusieurs centres d'achat qui sont morts, hein, des dead monstres qu'on appelle. Et c'est vraiment fascinant d'aller voir sur YouTube. Entre autres, il y a une série YouTube qui s'appelle Abandoned, qui est vraiment géniale. Bref, le centre d'achat, c'était une industrie qui faisait vraiment beaucoup d'argent, qui allait vraiment beaucoup mieux il y a quelques décennies. Ça va un petit peu moins bien. Pas mal, mais ça va un petit peu moins bien. On a utilisé plusieurs centres d'achat du passé pour les réinventer en église. Parce que ça, aux États-Unis, ça fonctionne mieux que les centres d'achat. En tout cas, des fermes intérieures, des complexes d'appartements, d'autres sont complètement abandonnés et sont visités par les explorateurs urbains. Il y a même un site web que j'adore, que je suis depuis des années, que je vous conseille énormément, qui s'appelle deadmalls.com, qui est dédié donc à documentation autour de ces centres d'achat-là. On va même des fois passer en entrevue des anciens propriétaires de magasins. C'est vraiment super cool. Il y a un livre qui s'appelle Autopsy of America. Et le photographe Seth Lawless a choisi les centres d'achat morts comme inspiration, comme sujet primaire. Et vous pouvez aller voir des extraits de son livre sur assemblagerequis.com. Vraiment un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, les centres d'achat morts. Donc allez voir ça pour vrai. Tu vois, là-dedans, je verrais un film de zombies. Tout à fait d'accord. Il y a de la mousse qui pousse partout, des plantes dans les bancs. C'est comme certains films de zombies qui ont été tournés à l'ancien aéroport du côté de Mirabel. Ouais. C'est incroyable le fini de ces films-là, considérant le fait que l'aéroport était quand même en très bon état quand ils ont décidé de l'abandonner. Ouais. Et maintenant, c'est les plus tard que ça. Non, il y a des restaurants ou des boutiques proches du centre-ville aussi qui sont fermés puis qui prennent un petit peu de poussière avec le temps. Même que je passe tout le temps, quand je vais au centre-ville à pied, je passe tout le temps devant un petit restaurant avec il y avait un tableau à l'extérieur pour mettre le menu. Okay. Et ça fait littéralement là, probablement 2 ans que je passe par là, puis le déjeuner est encore écrit à la craie dessus. Ça fait un petit peu peur. Ouais. Mais je comprends pas comment il y a autant de fenêtres de cassées à l'intérieur de ces centres d'achat abandonnés. Ouais. Comme il y a quelqu'un qui est rentré puis qui a décidé juste comme tout péter. Des explorateurs urbains. Bande de pas gentils. C'est la faute de Dominique Carpin. C'est ça. Voilà, c'est tout pour cette chronique de son foutu palmarès. On s'écoute une pièce de Pony, c'est nouveau sur le palmarès francophone. Ça s'appelle Phoenix. Il y a sûrement un centre d'achat mort là-dedans quelque probablement part. Probablement. Vous êtes à Assemblage Requis. Yeah. C'était Pony avec Félix, assemblage requis. Au retour, Xavier McLeish, qui devrait, j'imagine, arriver éventuellement. Je sais pas, on va voir ce que ça donne. Vous êtes assemblage requis jusqu'à 10h. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage de pieds. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de pieds. C'est Assemblage requis qui se poursuit en ce lundi 2 octobre 2017. Il est quoi, 9h16? Et Talia Baudin. Et Mathieu Blonde. Toujours dans l'attente de Xavier McLeish. On se demande là, ce qu'il va réussir. C'est comme pas ce qui arrive avec Xavier. Aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Peut-être va-t-il devoir annuler. Peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas. On sait pas. On a essayé de le joindre au téléphone. On ne le rejoint pas non plus. Bref. Ça sonnait occupé. Ouais. On va avoir de quoi sinon quand même. J'imagine. Ben oui, tout à fait. J'en suis persuadé. On va vous trouver de quoi. Ah, je vous jure qu'on va vous divertir. Ce sera même pas possible. Mais avant ça, en anglophone, on s'écoute une nouvelle pièce de Metz. M-E-T-Z. Voici Cellophane. Tout de suite. Sur C'est fou. Destination now, I can't. les ondes du 89 FM. Mais ça... Ça réveille ça, le matin. Vraiment, hein? On aime ça se faire réveiller des fois, le matin. Oui, sinon, on se rendort puis on manque le contenu. Ben, c'est ça, c'est ça, il faut pas. Ben, ouais. Là, on a entendu dire, on a enfin eu des nouvelles de Xavier McLeish, sauf que Colin, il est encore pris dans son accident dans le trafic. Et là, je viens de voir arriver, je sais pas si tu l'as vu, Tania, il est en train d'arriver là, là. C'est Alpha le Fanalizer! Oui, hey, bonjour! Hey, j'ai entendu parler, Tania. Tania, oui. De Père Noël, là, j'étais dans là, le royaume. Puis là, j'ai dit, mais là, faut que j'appelle. J'ai appelé en studio. C'était tellement occupé, j'ai pas répondu. Fait que là, j'ai dit au Père Noël, hey, pas le temps de niaiser. En plus, Xavier, il va être en retard. Fait que là, je me suis dit, non, mais là, je savais, j'ai entendu parler de trafic, je regardais ça. Il est loin dans le trafic. Je pensais que le traîneau, il est loin. Et boy, il est pas super d'arriver. Et il va pas, il dit, s'il écoute, là, Xavier, arrête de vire de bord. Il écoute. De bord. Ça sera pas mieux. Xavier, t'es pas arrivé. Fait que moi, je dépêtais, me suis venu dans le studio. Ah, t'es fin. Merci, Alfalfa. Mais là, j'écoute, hein, à un moment donné, il faut régler les problèmes. Je suis venu vous dépanner. Merci. Notre sauveur. Oui. Il a amené ses clochettes. C'est Noël à l'année ici, c'était fou. Donc, Alfalfa, habituellement, tu nous parles de jeux de société, tu nous parles un petit peu des fois d'alcool, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, je pense que... Attends, laisse-moi penser. Rebobine. Je le sais, je n'ai peut-être un à vous parler. Ah oui? Oui, puis peut-être de l'alcool. Oh, ben oui, ça va marcher. OK, j'ai une idée. Je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle La Mafia de Cuba. Okay. La Mafia de Cuba. Est-ce que vous connaissez le loup-garou? Je connais le type de jeu. Je n'ai jamais joué, par contre. Est-ce que je connais rien à ça, non? Donc, c'est des jeux de rôle. OK. OK? Donc, il y a un mafioso. Un loup-garou. Il y aura donc chacun un personnage à jouer à chacune des rondes. Donc, le premier, c'est le mafioso. C'est il cherche qui a volé des diamants. Donc, dans sa boîte, il y a 15 diamants. Mm-hmm. Il y a aussi des personnages. Donc, il y a le chauffeur, que j'expliquerai plus tard. Okay. Il y a son assistant, OK, qui va être là. Et il y a aussi l'acolyte qui est là aussi. Donc, 3 jetons de couleur qui ont des tâches bien différentes. Et le mafioso prend dans sa boîte entre 1 et 5 diamants. OK. Et après ça, il passe la boîte à sa droite. On parle de vrais diamants. Oui, de vrais diamants. Mais pour le jeu. En plastique, là, mais ouais. Oui, c'est comme un fini faux vert. Là. Ah oui. OK. Donc, il les cache sur ses cuisses. Et dans la boîte, il y a une poche. Mm-hmm. Et il y a les autres diamants qui restent. Okay. Le premier joueur a le droit de cacher un macaron dans la poche. Donc, soit le chauffeur, soit l'acolyte, ou soit l'assassin. Je ne sais plus son nom, mais je sais son rôle. Oui. Je m'excuse. Alors, il prend un jeton, il peut en cacher. Il peut aussi prendre un jeton et cacher des diamants. Donc, moi, exemple, je prends 5 diamants et je les mets sur mes cuisses pour pas voir. Tu as le droit de prendre jusqu'à 5, c'est ça? Tu peux toutes les prendre, si tu veux. Okay. C'est là que le jeu joue. Et là, tu choisis. Donc, je prends tous les diamants, j'en prends juste un pour mélanger le jeu. Je prends pas de personnage, je cache des personnages. Et je passe à ma droite la boîte. Et à son tour, il fait la même chose. Soit il prend des diamants... Soit il prend un personnage. OK. Mais là, t'as les diamants sur tes cuisses, là. Oui, et personne ne les voit. C'est en dessous de la table. OK. C'est important de jouer avec quelque chose qui cache. Mais mettons, là, que tu sors les diamants de la boîte, personne te voit? Oui, non, parce que la fois, c'est une boîte, je peux vous l'expliquer, avec un dosseret. Donc, tu ouvres la boîte. Donc, mettons qu'on est un en face de l'autre. Ben, en ouvrant la boîte, toi, tu vois plus. Je descends la boîte, je prends ce que j'ai à faire, je remets la boîte sur la table, je referme la boîte et je passe. Est-ce que tu mets des diamants dans quelque chose parce qu'ils vont tomber partout? Tu les mets sur toi, tu les mets dans ta main, dans tes poches, tu les caches. Ah, c'est ça le but, c'est que ça soit difficile à cacher. C'est ça. Faut que tu les caches parce que vous allez comprendre à la fin du jeu le but. Et on passe la boîte de joueur en joueur. Mais tu dois te rappeler de tout ce qu'il y avait dans la boîte. Mm-hmm. Tu as le droit de mentir en tout temps. Ah, du bluff. Oh, d'accord. Tu as le droit de mentir en tout temps sur ce qu'il y avait dans ta boîte pour mélanger le mafioso. Mm-hmm. Le mafioso, son but, c'est de trouver c'est qui les voleurs dans sa bande. OK. OK? Le chauffeur, la pièce de mémoire qui est verte. Le chauffeur, lui, son but, c'est que la personne à sa gauche gagne. Mm-hmm. À sa droite. Il conduit donc à sa droite. Ah! Mais il sait pas ce que la personne à sa droite a pris. Non. Mais il sait ce qu'il y avait dans la boîte quand lui a joué. Mm-hmm. Donc, si t'es le chauffeur, il reste le chauffeur et aucun autre personnage, il sait absolument qu'il a volé des diamants parce que t'es obligé de prendre quelque chose, sauf le dernier joueur. Ah! Donc, le dernier exemple, ça serait on jouerait à 6, mm-hmm. et Mathieu, tu serais dernier, t'es pas obligé de prendre quelque chose, mais les autres sont tous obligés. Mais si tu joues à 6, il y a plusieurs chauffeurs, plusieurs... Non, il y a un chauffeur, un assassin, puis un acolyte. Le reste, c'est juste des rien du tout. Le reste, c'est des voleurs. Ah! Et là, faut que tu trouves qui est quoi. Et le but du mafioso, s'il tue un de ses amis, donc son acolyte ou son assassin, mm-hmm. il meurt. S'il tue le chauffeur, il meurt. Son but, c'est de trouver seulement les personnes qui ont les diamants. Oui. Mais là, tu dois toutes les questions que tu veux. Fait que, mettons, toi, Mathieu, quand tu as reçu la boîte, combien il y avait de personnages? Non, mais tu dis, ben, il y en avait deux. Ouais. Mm-hmm. Et là, je demande à Tania, Tania, comment il y avait le personnage? Elle dit trois. Mm-hmm. Ouh. Tania jouait après Mathieu, donc c'est impossible qu'il y ait plus de personnages. Il ne peut pas s'en rajouter. Alors, tu et là, je dois trouver que qui ment. Et pour ça, je dois aller voir avant. Fait que là, j'irai voir, mettons, on va appeler Xavier dans le trafic. Xavier, comment il y avait de personnages? Xavier dirait, ben, il y a 32. Fait que là, mais là, j'ai un autre menteur. Fait que là, il faut que je trouve qui joue et qui joue pas. Les questions sont à tour de rôle, j'imagine. Tu peux poser des questions à tout le monde. N'importe ceux qui avaient plus que 5 diamants dans leur boîte, on lève la main. Ah, oh! Alors là, tu peux jouer sur ces questions-là. Et tu as le droit, tout le monde a le droit de mentir, mais ils ont chacun un but différent. L'assassin, c'est de se faire tuer pour tuer le mafioso. Le chauffeur, c'est de faire gagner la personne à sa droite, mais il ne sait pas nécessairement qu'est-ce que la personne à sa droite joue. Et les voleurs, c'est de ne pas se faire trouver. Okay. Donc, de prétendre d'être l'assassin et de prétendre d'être son acolyte. Et l'acolyte, le but, c'est absolument que le mafioso gagne. Il va toujours dire la vérité de son but ou il va forcer. Il sait que dans sa boîte, il n'y avait plus de personnages. Il était le dernier à en prendre. Puis, vous êtes le troisième à jouer. Donc, automatiquement, les deux personnes à ta droite, c'est des personnages. Donc, il va dire, ouais, moi, quand je t'arrive à ma boîte, ben, il n'y avait plus de personnages. Fait que là, il va tuer les trois autres après. Il va avoir gagné. Son but, c'est que le chef gagne. Okay. Alors là, ce jeu-là, ce qui est le fun, c'est que la rythmique est très, très différente. Parce que plus tu vas jouer avec des joueurs, plus ils vont avoir des stratégies différentes à s'ajouter. Et plus le premier joueur change. Donc, exemple, moi, je commence avec Mafioso, donc tu deviens le premier joueur, Mathieu. Et toi, tu vas peut-être avoir une autre idée en tête. Soit de ne pas faire paraître le chauffeur, soit de faire disparaître l'assassin. Donc là, il n'y aura plus d'amis ou d'acolytes pour aider le Mafioso. Et là, tout dépendant des lignes que tu prends, automatiquement, la game va être différente. Donc oui, c'est loup-garou. Oui, c'est un jeu qui peut être répétitif à certains moments, mais non. Et parce peut-être que difficile à apprendre au début. Non, c'est vraiment pas compliqué. Avant, t'es joué avec loup-garou, non? Non, c'est en fait, c'est aussitôt que t'as compris qu'est-ce que les personnages faisaient et ce que les personnages étaient aussi, ben, ça va aller de mieux en mieux. Okay. Quand t'as compris les personnages, tu peux voler un diamant et la quantité de diamants volés est très, très, très aléatoire parce que moi, je peux avoir... J'ai un exemple. Il y en a 15 dans la boîte. Ouais. Le mafioso du début peut en garder un, il peut en garder zéro, il peut en garder cinq. Fait que tu arrives dans la boîte et tu le donnes au premier, il compte ses diamants. Il dit, OK, parfait, je vais dire qu'il y en avait 13. Mais là, moi, j'en prends 10. Il en reste 3. Je te les donne, Mathieu. Et je deviens chauffeur. Ben voyons donc. Donc, ton but, c'est de m'aider. On comprend? Oui. Est-ce que ça va? Et tu dis, dans la boîte, il y avait 12 diamants. Et ça t'aide parce que ça donne ça l'impression aide pas, non? Parce que le mafioso sait qu'il y en a 5, il peut pas en avoir 12, il en restait 10 dans la boîte. Ah oui! Tu comprends? Fait que lui, il pensait bien faire, mais finalement, flag, il vient de tuer son ami. Et il vient de se faire avoir. Fait que le jeu du début, il dit comme, faut que tu gagnes ta stratégie. Et c'est là que tout se prend en note parce que dans le fond, Faut que tu gages en fonction de qui joue avec toi. Est-ce que c'est plus un il va aller chercher des grosses stratégies? Là, moi, je pense qu'il va prendre l'assassin. Fait que je vais prendre beaucoup de diamants parce que lui, il va se faire tuer en partant. Parce qu'il va avoir un trou, mais finalement, il prend le chauffeur. Et là, c'est là que toute la rythmique gagne. Mais nous, là, ce qui est le fun, c'est que tu penses vraiment stratégique pendant un tour. Puis après ça, ton but, c'est de faire chier les autres. Non, c'est ça, ton langage. Ton but, c'est de taquiner fortement les autres. Être mesquin. Ouais, être mesquin. C'est un peu un jeu chaotique neutre. Ouais. Est-ce que ça dure longtemps, une partie? Non, c'est genre, mettons, 5 minutes. Ouais. Mais pour faire... le but, c'est de faire le tour. Ouais. Fait que, mettons, on peut dire... Si vous êtes tanné, on peut faire 3 personnes. Mais si vous voulez le faire, on peut faire, mettons, à 6, 1 heure ou 2 heures. Ça se joue à 6 et plus. C'est un petit peu ça, du jeu, c'est qu'à 3, c'est un peu poche. Ah ouais. C'est ça. Fait que ça se joue à 6 et plus. C'est seulement les moments opportuns pour jouer à 6 et plus qui sont spéciales. Ouais. On se procure ça partout? Et ça se procure beaucoup dans les magasins de jeux spécialisés ou sur Internet. Sinon, je sais qu'il y a beaucoup de sites de jeux autres que les magasins populaires qui vont les avoir, comme les sociétés de jeux de société vont les avoir. Et les jeux un peu, c'est comment ça s'appelle à Trois-Rivières, là, le jeu où tu vas jouer à des jeux comme... Ah, les mauvais perdants. Les mauvais perdants, on risque de l'avoir dans leur inventaire. Ça s'appelle comment encore? La mafia de Cuba. La mafia de Cuba. Et qui dit mafia dit... Comme alcool? Rhum? Non. Mais non, russe. Vodka? Ah. Qui dit vodka québécoise, il y en a de mieux en mieux. Est-ce que vous savez c'est de quoi de la vodka? C'est de... Du jus de patate. Eh oui. Ah, pour vrai, arrête donc. Oui. C'est la fermentation de patate. Wow. Et la patate, au début, on était fort au Québec. Les Irlandais nous ont inculqué ça. Ils vous ont inculqué ça. Oui, toi, t'es pas québécois, t'es du pôle Nord. Exactement. Mais je suis comme le plus québécois des. Parce que les autres, ils aiment plus comme la Finlande ou genre l'Islande. T'es plus. T'as de l'immersion quand même au Québec, tu vois. Oui, c'est ça. Moi, je souvent. C'est ça. Moi, je n'ai vu du Père Noël au Québec. J'ai vu, écoute, j'en ai fait des soirées de Père Noël avec Père Noël ici. Alors, je vous parle du Circa Terroir, qui est une vodka québécoise. Oui, oui. Mm-hmm. Québécoise. Oui, oui. Wow. Et qui se vend 43,25 pour 750 millilitres. OK, mais tu bois ça très lentement. Oui, oui, oui, c'est ça. Et là, on ne propose pas juste la vodka, il faut proposer comment la boire. Vous en pensez quoi? Oui, bonne idée, alfalfa. Pas le choix. Alors, pas dans un bol de céréales. Hein? Au niveau des gars, on va parler du martini, qui est plus corsé. Pourquoi au niveau des gars? Parce que j'ai une proposition plus douce. OK. Espèce de sexiste. Non, c'est pas sexiste, c'est que dans le fond, moi j'associe la deuxième plus aux filles. OK. Et non pas la première plus aux gars. J'aurais dû faire la nuance. Moi je bois les drinks de filles. On va voir c'est quoi la nuance féminine. En fait, la nuance féminine est divisée en deux, mais c'est à peu près le même drink. Mais il va être rose. Donc, il est rouge. Ah, OK, on va essayer de deviner. Qu'est-ce qui est rouge et qui prend de la vodka? Canberra. Un Cosmo. Ah. Non. Hein? Un vodka Canberra? Non. Non. OK, c'est correct. Ça va être un Bloody César. Oh! Ah! Ou un Bloody Mary, tout dépendant. Donc, il y en a un qui va être avec du clamato et l'autre est avec du tomate. Ouais. Je pense que c'est des jeux, on dit vodka. Qui dit vodka dit russe, donc mafia et ainsi de suite. Mm-hmm. Et c'est là que ça allait. Et même que dans les règlements, il y a un règlement dans ce jeu-là, Mafia de Keybox, c'est marqué de ne pas consommer trop d'alcool et de cigares en joie. Oh! Et c'est écrit dans les règlements, ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Et ça m'a fait beaucoup rire aussi, chocolatine quand le Russia. Fait que là, on c'est sa blonde, ce c'est ça. La blonde d'Alfalfa? Oui. Oui. Alfalfa, t'es une blonde? Ah oui, j'en fais 125-126 ans, là. Ouais, juste ça. Ah, ben oui. Il en parle pas souvent, par non, contre. Non, ah c'est non, vrai. Faut pas, hein? Elle est aux confiseries, c'est ça, hein? Oui, mais tu sais, on est les deux, là. Ah oui, OK. Moi aussi, je fais beaucoup de bonbons. Et c'est ça, moi, j'ai été déçu de venir vous voir cet été. On a été dans le rush avec la création de plein de nouveaux jeux que je vais pouvoir venir vous parler jusqu'à Noël. C'est le fun, parce que ça se renouvelle sans cesse, les jeux de société. C'est fait. Et c'est incroyable. Juste pour ceux qui étaient là dans les chroniques précédentes, sachez qu'il y a deux jeux que j'ai présentés qui ont énormément augmenté en prix, soit Au Feu, qui est aussi rendu seulement en anglais dans les places où je l'ai vu en vente. Et il est rendu, au lieu d'être 35$, 75$. Ça, c'est le jeu avec les petits camions de pompiers. Puis il fallait que tu atteignes le feu. C'est un jeu coopératif. Ouais. Il faut savoir aussi que les jeux Timelines de la série, là, avec Québec et les jeux historiques, ils sont rendus, au lieu de 21$, à 25$ dans les places les plus chères. Il y en a encore des magasins qui vont en vendre autour de 20$. Profitez-en, sautez là-dessus. C'est des jeux de super bonne qualité qui valent une petite fortune. Absolument. Et comme tu l'as dit, au mauvais perdant, on peut essayer plusieurs jeux, donc ça vaut la peine d'aller essayer ça. En fait, si vous allez au mauvais perdant, moi, en fait, dans les jeux comme ça, il y a un jeu qui vaut très cher et que j'adore, qu'on ne peut pas se procurer, que je présenterai peut-être pas en ordre, mais ça s'appelle Agricola. OK. Ayez la chance, allez l'essayer. C'est un jeu, long, avec un minimum de stratégie, mais tu te fais une ferme, dans le fond. C'est aussi simple que ça. Mm-hmm. Tu dois nourrir tes enfants, le bétail, le pâturage, faire cuire des pains. Et avec l'argent, ce que tu vends et ce que tu achètes, ton but, c'est de gagner, faire le plus de points de victoire. Allez l'essayer, parce que c'est très long à expliquer, mais il vaut très cher, mais il est le fun à jouer. Mm-hmm. Et il vaut la peine d'être joué, mais ça vaut peut-être pas la peine, des fois, de dépenser comme beaucoup, beaucoup d'argent. Il va tourner, je dirais pas le prix, mais autour de plus que trois chiffres. Ah, ouais, c'est ça. Et avec les taxes et tout, là, une 80$ environ là, pour Agricola. Donc, profitez-en, allez jouer en masse à des jeux comme ça au mauvais perdant. Il y en a partout au Québec, si vous écoutez ailleurs, entre autres à Québec, je pense que c'est La Revanche que ça s'appelle. Profitez-en, allez jouer à des jeux, essayez-les avant de les acheter. Ça vaut le coup. Mais en chercher café de jeu de société ou bar de jeu de société, des trucs comme ça, ça vaut la peine. Merci beaucoup, Alfalfa. Hey, ça fait plaisir. Hey, on te retrouve éventuellement. Comment est-ce qu'on. Ce serait fun que tu reviennes. Là. Ben, moi, je n'ai plein. On a essayé plein de jeux. Nous, c'était là. On a créé, surtout, là, on a créé des jeux autant pour enfants que pour adultes. Alors, chaque semaine, ça que tu me dis. Mais si on peut venir tous les semaines ou peut-être une semaine sur deux, on verra. Génial. On va s'ajuster. Ah, c'est le fun. Ce sera donc une fois de temps en temps, les lundis, vers les 9h. Oui, ça va. Si Xavier est repris dans le trafic, va venir vous sauver. Ben ça, oui. À chaque fois, peut-être. On va voir. Ben oui. Hein? Ça arrive du trafic une semaine sur deux. En effet. Ça arrive. C'est peut-être lui qui a fait l'accident. C'est ça, peut-être. En fait, c'est peut-être moi qui cause les accidents. Il y a un gars qui fait « Hey, je suis en Père Noël. » Oh! Et voilà. Peut-être. Peut-être, c'est moi. C'est un petit mesquin taquin. C'est peut-être ça qui est arrivé. Je suis peut-être chaotique neutre. Merci, chaotique neutre, Alfalfa, le lutin. Étant donné qu'on a parlé de Russie un petit peu avec la mafia, on n'a pas le choix d'écouter Vladimir de Zen Bamboo. We'll be right back. C'était Zenbambu avec Vladimir. Vladimir. Alfalfa, le lutin qui restait avec nous quelques secondes parce qu'il y avait des informations additionnelles à nous fournir. Oui, c'est ça. Dans le fond, le jeu, j'ai même pas dit le prix, j'ai pas dit rien. Rien pour tout. J'ai juste dit la mafia de Cuba. Et dans le fond, c'est ça, j'ai trouvé le nom, ça s'appelle le Compagnon. Okay. Le jeu est en vente 25$. Bon. Fait que c'est pas tant pire dans le fond, tu sais, c'est ça que je disais. Et la boîte a vraiment l'air d'une boîte de cigares. Elle est conçue. Ah, c'est une bonne idée, ça. Pour avoir l'air illégal. Et c'est ça. Il faut pas consommer de cigares en jouant parce que vous allez avoir des cartes qui sentent la boucane. OK. Cool. Et donc, ça fait plaisir d'être venu cette semaine. Alfalfa, le lutin, merci encore une fois. Oh, Colin, Tania, mm-hmm. Regarde qui arrive. Ah, Xavier! Hey, il m'a volé mon spot. Ben, Colin, ça se peut-tu pareil, hein? Mais là, moi, je vais venir vous parler de char. Ouais, mais là, on a plus le temps. Ben là, c'est faut... c'est Alfalfa, il est venu te sauver, en oui, fait. Oui, Alfalfa, il est là. Pour le tabarouette. Hein? Allez! Niche! Battez-vous! À cette personne qui avait un accident aujourd'hui... Ouais. Merci. Merci. ça fait un beau petit début de journée. Ah, écoute. T'arrives avec une demi-heure de retard alors que t'avais une demi-heure d'avance. J'avais une demi-heure d'avance. J'étais à 7 km du studio. Incroyable. Ça a pris 50 minutes de faire 7 km. Ouais. Mais quand même, là, étant donné qu'on t'a, bon, on t'aura pas pour une chronique complète habituelle, mais on peut au moins parler un petit peu d'improvisation. Oui. Si ça tente dans les coulisses de la huître. Première partie, évidemment, on en parle surtout le mercredi, habituellement, avec Gabriel Béhoud. Mais là, on peut mentionner un petit peu le match qui s'en vient ce soir. C'est le premier match officiel saison régulière plein, parce que la semaine passée, c'était le showcase, comme vous avez parlé avec Gab Béhoud. J'ai entendu ça, c'était super bon. Vraiment. Dans le fond, ça va être le premier match de la saison officielle arbitré par une autre qu'Alexandre Marchand, qui n'a pas arbitré au showcase. Non, il l'a animé à la place. Il a animé, c'est ça, avec toi. Oui. Et dans le fond, cette semaine, on aura... Excuse-moi, comme les verts et les rouges, donc Noël, avec Alfalfa qui est venu vous aider, ça marche. Mm-hmm. Là, on est-tu Noël pas à peu près aujourd'hui? on est juste en octobre, on se calme. Hein? Et ce que je trouve le plus drôle de ce match-là, sur l'événement, c'est que Alex Landry, comme substitut des verts, joue et fait le DJ en même temps. C'est juste parce qu'il est substitué. Ah, ok, ouais, ouais. Fait qu'il est comme stand-by s'il joue. Mais si quelqu'un se blesse, on va perdre notre DJ. On perd le DJ, je sais pas qui va le remplacer. Alors, vert, rouge, ce soir, ça s'annonce. C'est pour elle loufoque, les verts ont quand même une belle énergie. Oui, il y a beaucoup de joueurs, je dirais loufoque, que ce soit Francis et Jocelyn sont quand même loufoque. Oui, Frédéric Simon est quand même assez groundé, Caroline, quand même assez punché. Et du côté des rouges, c'est une équipe d'expérience, quand même, avec trois anciens d'expérience, comme Gabriel, Marc Lachance, qui ont des anciens. Marc Lachance était capitaine l'année passée en plus. Karine Perron, qui était à sa troisième saison. Et on a juste ça paraît pas quand même qu'elle est à sa troisième saison. Pas qu'elle est pas bonne. C'est qu'elle a pas. C'est que le temps passe vite. Ouais, c'est ça. Ça a pas paru. Elle joue vite. Elle joue non, bien. Non, c'est ça, exact. C'est que cette fille, elle est quick. Elle rentre, elle ressort. C'est ça. Et ajoute à ça le substitut Nicolas Marneau et le joueur régulier Gabriel Lecomte, qui est une recrue qui arrive des Scabs. Oui. Et de l'ail aussi. Qui a été au feu satire. Mm-hmm. C'est drôle quand même, notre ami, c'est qui? L'avant-dernier, tu as mentionné Nicolas Marino, oui. Qui est pas vraiment une recrue, mais en tant que tel, techniquement, c'est un ancien. Techniquement, il était là deux ans. Mais en fait, tant que tu es considéré comme une recrue. Ah, oh! Oh, les règles, je connaissais pas ça. Ah oui? Justement, parlant de quelqu'un qui connaît pas les règles, mon nouveau co-animateur, à partir de ce soir, on va le rencontrer pour la première fois. Je vais animer ce soir et avec cette session-ci, avec Stéphane Huard de Morano. Oui. Stéphane qui provient des TNT de Joliette, qui est une équipe du Cégep. Mm-hmm. Il a fait un camp de recrutement, mais il a manqué une journée, ce qui a vraiment ennuyé, je pense, à son, à son placement. Gars avec de l'énergie cool. À revendre. On va peut-être... Il va soulever la foule ce soir. Écoute, moi je pense que c'est un mini Zwicky. Ah ben, pour vrai là, c'est drôle que tu dises ça. J'allais te demander à qui il te fait penser. Mais, et je m'attendais à un Zwicky. Il fait penser à Zwicky sur l'énergie. Mais je pense que avec Stéphane, il va falloir des fois breaker la foule. Oui, parce oui. Que la foule va embarquer sa scène. Ah, j'aime ça, c'est ce qui manque en fait en ce moment. J'aime bien ça, ça va être un punch. C'est un gars de concours. Moi je pense qu'il va avoir des... Ah. C'est un gars qui va... La bière, là, gratuite. Ils vont faire des vagues au monde. Génial. Contacte-le, tu as déjà parlé oui, avec... Oui, on se rencontre tantôt, évidemment, avant le match. Mais ça va être vraiment cool, parce que moi, je suis plus le côté sérieux, mais en même temps, je fais des gags. Lui, il va être plus le genre de full. Moi, je suis moins full. En fait, c'est un Eric Salvaille de la lutte. J'aime ça, good. Colin, c'est le fun de savoir c'est ça. C'est le fun de savoir. Ouais. Écoute, moi, je pense que ce soir... Premier match à 16h pour ça en feu. Oui. Et manquez pas ça, gratuit, chasse-galerie à 8h. 8h! Peut-être la porte de garage va être ouverte à moins 5 degrés comme la semaine passée, à 40. Eh yeah boy! Ouais, je pense que ça va être moins chaud que la semaine passée un peu. Je le souhaite. Ouais, mais merci beaucoup, Xavier McLeish. Plaisir! Colin, c'est le fun, ça. Malgré le trafic, ouais, très plaisant, merci. Malgré le trafic, j'étais là. Ben oui, mais c'est ça. Xavier McLeish, puis Alpha Alpha quand il faut. Alpha Alpha, voilà. À un moment donné, hein? Ça se peut qu'il y ait d'autres trafics. Ben, si, à Québec, on sait jamais, hein? Ah, c'est vrai, t'arrives de Québec directement. Moi, là, je suis la seule personne qui voit une pancarte universitaire marquée 6,5 km, mais qui décide d'en faire 115 autres pour revoir une autre pancarte marquée université. Tu sais, il y a des pancartes avec université avec une flèche. Ouais. Quand je pars de chez nous, c'est marqué université, 5 chars de la sortie. Mm-hmm. Je prends la boucle, j'embarque sur ce qu'on appelle maintenant la capitale, mais aussi Félix Leclerc. Ouais. Et c'est marqué Laval, 6,5 km. Finalement, je passe tout droit à la sortie et je m'en fais 115 autres afin d'arriver ici. Ah, c'est toi qui as décidé de venir ici. Oui, oui, mais c'est juste, qui d'autre? J'aimerais ça, textez-moi, ceux qui me connaissent. Écrivez à Alfalfa, ils vont me passer un message. Ah oui, oui. Mais qui d'autre voit deux pancartes de deux universités différentes un lundi matin? Sont rares. Sont rares. Sont très rares. Sont rares. Ça s'appelle que t'as du courage. Non, j'ai du temps. Du temps, oui, ben c'est ça. Et comme on dit sur la route, vas-y plus lentement un petit peu. Vas-y un petit peu plus lentement. Move a little slower de Ben Sinister à Sondage Rocky. C'est le nom de la chance. Oh. OK, j'avais pas vu la référence, mais c'est bravo. Bien, bien joué. Belle transition. Merci. Spend my days without you standing by my side, and I wonder when my feelings won't give up and hide. You got up in these fast times and I feel left behind. If only I could speak my heart, I'd say what's on my mind. 'Cause if it is your plan, does it make me less a man? What's life without the time to breathe? Do I have to reach out and pull you back to me? I'm in these fast times and I feel left behind. If only I could speak my heart, say what's on my mind. Move a little closer, the band Sinister. Ooh. Ooh. Toujours à Assemblage Rocky, il nous reste même pas une dizaine de minutes, c'est juste assez de temps pour faire Tu manges mon cœur. Ouh. Mon cœur, la chronique et des coups de cœur d'Assemblage Rocky. On a gardé Xavier McLeish avec nous pour le reste. Tout le temps. Tout le temps. Donc, Tania, on commence par toi aujourd'hui. Oui, parce que vous savez, je trippe sur le café vraiment beaucoup. Mathieu aussi. Je pense que tout le monde a quand même une appréciation du café assez grande. Il y a des compagnies, moi, que je ne suis pas capable. Pour elles, ça dépend du... Tim Hortons. Ben, il y a des compagnies qui font aller aux toilettes plus que d'autres. Mm-hmm. Je suis d'accord. Ben oui, ben c'est sûr, c'est à cause de l'huile. C'est ça, il y a des cafés gras comme le Starbucks, c'est très très très gras. Exactement. Et un petit film dessus. Tout à fait. Ouais. Mais aujourd'hui, en fait, je veux vous parler du fait que vous pouvez avoir du café à 1$ chez McDo cette semaine. Ah. C'est merveilleux. C'est le fun. C'est pas un mauvais café. C'est comme parmi les cafés de grandes succursales, grandes multinationales, c'est pas si pire. En fait, c'est... Ils sont améliorés parce qu'il y a quelques années, c'était le pire. Ça goûtait le fond cendrier. Mais là, il est vraiment meilleur que celui de Tim Hortons, si vous me posez la question. Donc, que ce soit votre café du matin ou que ce soit votre café du soir, bien, sachez-le, c'est un breuvage chaud à la main sous feuilles d'automne que vous allez apprécier. Je pensais que tu disais c'était quoi du café. Non. C'est un breuvage chaud. C'est vraiment ça qui est décrit. Oui, je sais. Mais en fait, vous avez jusqu'au 8 octobre pour pouvoir avoir un café à 1$ seulement. Wow! Parce que, petit format, j'imagine. Bien, n'importe lequel, en fait. Latte, americano, espresso, hey. Cappuccino, mocha ou café filtre, là, normalement. Je vais juste dire, je veux un café, mais c'est une pièce? Oui. C'est le pas de coupon. N'importe rien. Quel format va être 1$. Est-ce que vous avez reçu, vous, dans les publicsacs, il y avait un verre pour les cafés de, je sais pas, c'est Petro-Canada, je crois, tout simplement non. Bon. Il y avait un verre de café qui venait dans un sac de plastique. Oui, j'ai reçu. Ouais, tu peux aller l'échanger en dépanneur contre un café. Fait que là, moi, je l'ai laissé là parce qu'il y en avait juste un pour le bloc appartement, il y a 4 loyers, tu sais. Fait que je le laissais là en me disant que quelqu'un d'autre va le prendre. Là, j'ai accès à du café. Je suis pas en plein. Personne l'a pris. C'est ça, personne l'a pris. Fait que genre, une semaine, mettons, plus tard, je me dis, bon, OK, personne pris, j'ai laissé le temps, je vais le prendre. J'ai pris et évidemment, qu'est-ce qu'il y avait? Une bibitte dans le verre. Ah! Fait que je l'ai quoi? Jeté. Mais... J'aurais pas dû attendre. Le sac, probablement, devrait avoir un nœud si vous êtes pour faire ça. Ouais. Pour vrai. C'est vrai. Mais le verre, tu changes le verre. Tu n'utilises pas le verre. Comme moi, je l'avais chez nous. Ouais. Tu donnes le verre au caissier puis tu donnes un café gratis. J'avoue que j'aurais pas. La bibitte, elle change rien, pour le fond. Mathieu. J'aurais juste pu jeter la bibitte. T'as gaspillé un café, Mathieu. Ouais, là, je m'en veux un peu. Là. Mais là, sachez que, tu sais, des fois, on se pose la question, ouais, mais là, faut que j'aille à quel McDonald's pour avoir mon café à 1$. C'est toutes les McDonald's. Hey, c'est quasiment une pub. Jusqu'au 8 octobre. Mais j'étais allé au McDo pour être franc ce matin puis il était pas une pièce. Est-ce que c'est pour... t'as-tu pris autre chose avec? Non. Ça commence aujourd'hui, peut-être? Il était clairement à 2,25 comme tous les semaines. Ah, bien pourtant? Ah, ben peut-être que ça commençait à midi ou je sais pas. Ah, peut-être. Quoi, on sait pas. Peut-être. Là, c'est une bonne affaire comme ça. Je demande un remboursement. Je demande un recomptage. En plus que j'ai passé du temps à boire dans le trafic. Ça dépend où tu l'as pris. J'ai pris à Québec. Québec. Peut-être qu'à Québec, ils ont pas reçu la nouvelle encore. C'est ça, ils sont dans un autre fuseau horaire à Québec. Hein. Ils décalent. Avant, c'est le trafic. Le gars est pogné. Faut que ça se passe. Exactement. Il est pogné dans le trafic depuis un matin. Ben c'est bien cool. Ça, mais c'est vraiment cool en fait. Donc, vous faites aller vous chercher un café à 1$. Génial. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Moi, je vais finir. En fait, ça va finir l'émission dans quelques instants. Donc, je vais juste finir en parlant. C'est une publicité de GE, General Electric, qui joue en ce moment. Ça parle de Molly, là, une jeune fille qui arrête pas d'inventer des choses, une jeune femme. Il y a une chanson dedans, et évidemment, je l'ai chasamée comme je fais pas mal tout le temps. C'est souvent évidemment. Comme ça que ça finit dans Tu manges mon cœur. Et c'est une vieille, vieille, vieille chanson, vraiment cool, de Michel Legrand, avec laquelle on va se quitter dans quelques instants. Mais avant ça, je pense que ce serait le meilleur moment pour terminer l'émission ici. Tout à fait. Hein, et on se quittera avec ça dans quelques instants. Justement, après nous, ce sera l'émission C'est fou le sexe qui s'en vient à partir de 10h. Sinon, plus tard, Tania et moi serons de retour pour les panneaux. Oui. C'est fou. Oui, c'est l'édition Nouvelles Entrées aujourd'hui. Tu as l'air vraiment heureuse de faire ça entre midi et 13h. Je suis vraiment heureuse d'avoir beaucoup de voix, en fait. Oui, ben c'est ça. Une chose qu'on parle pas beaucoup dans cette émission. C'est ça. Après ça, ce sera Rock Classique à 13h avec de la culture rock. Alain Lefebvre, bien sûr, sera avec nous. Ensuite, à 20h, on reste dans le même domaine avec Rock de Neurones et du rock progressif. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerockey.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On remercie Sébastien Viertin. Merci à Alfalfa, le lutin. Merci à Xander McLeish. Il y avait un anglais, là. Alexander Brett, exactement, qu'on va retrouver dans deux semaines. Exact. Et puis sinon, ben, c'est ça, on se quitte avec ma petite chanson que j'ai choisie. C'est Diggy Ding Ding. Diggy Ding Ding. C'est par Michel Legrand. Ah, vous allez voir, c'est la ruine de la lune. Je l'ai écrit au son. Diggy Ding Ding. C'est là-dessus qu'on se quitte, puis on se retrouve demain, dès 7h. Bye. Bye tout le monde, bon café! Bon café! Café! Le trifugier sortait ici. Ding, ding, ding.